but de cette finale. C'est fini, Loulou Nicolas. Montpellier, René Girard, il se prie pour la finale. Premier mot, premier ils sont champions de France. Regarde. La bataille était le match. La bataille était le match ce moment-là. On est les champions, putain! On est les champions! Bonsoir à tous et bienvenue sur Sport and Chill. C'est le lundi 5 mars aujourd'hui et c'est l'émission 23 de cette saison 3 de Sport and Chill. Et c'est une émission très spéciale puisque aujourd'hui on est en direct du Crêpes de Montpellier et on va parler sport féminin puisque cette semaine c'est la journée de la femme, c'est jeudi d'ailleurs. Et donc émission spéciale sport féminin aujourd'hui. On va recevoir dans moins d'une demi-heure hein, des invités pour parler du développement du sport féminin par exemple, mais aussi des inégalités salariales qui touchent notamment ce domaine qui est le sport forcément. Donc avant ça on va faire un petit retour sur l'actu hein, petit aujourd'hui, pas très long. Il va y avoir le rugby, il va y avoir du football ainsi que des sports d'hiver. On pourra faire un petit peu plus si on a le temps, on verra ça plus tard. Et donc aussi il y a les sports Montpellier hein, comme toujours avec un week-end assez mitigé puisque c'est 3 victoires, 1 match nul et 3 défaites ce week-end. Et on va commencer avec présenter l'équipe. Une équipe solide toujours ce soir avec Paul et Dimitri en face de moi. Salut les gars. Salut. Salut. Il y a Romain qui est au fond là. Comment ça fidèle va au poste, un peu isolé mais ravi d'être avec toi, vous depuis le Crêpes et puis surtout très bien entouré effectivement. Et à ma droite, tout à ma droite, il y a Yacine. Salut. Salut à tous. On va commencer avec les résultats. Sport and Chill, les résultats. Et on va commencer par le football avec Yacine et notamment une journée de Ligue 1 qui a eu lieu donc ce week-end. Alors ce week-end avait lieu la 28e journée de Ligue 1. Vendredi, deux matchs se déroulaient, l'un à 19h, l'autre à 21h. Alors victoire de Nice face à Lille 2-1. Victoire de Monaco dans le même temps face à Bordeaux, 2-1 également, avec encore une fois un but de Ronny Lopez. Samedi, 3 Paris, victoire de Paris 2-0. Victoire de Rennes pardon, à l'extérieur à Amiens, victoire 2-0 également. Match nul entre Metz et Toulouse, 1-1. Nouveau nul de Saint-Etienne face à Dijon, 2-2 à Geoffroy Guichard avec un doublé de Berić. Et dimanche avait lieu les 3 derniers matchs de la journée avec la victoire de Caen à domicile face à Strasbourg, 2-0. On reparlera du nul de Montpellier face à Lyon, 1-1. Et enfin le match de clôture entre Marseille et Nantes s'est soldé avec un match nul également, 1-1. Et égalisation à la dernière minute de la part de Marseille. Donc Paris, Monaco et Marseille toujours devant. Marseille avec 5 points d'avance sur Lyon, 4e. 3 à Lille et Metz ferment la marche avec respectivement 28 points, 27 points et 20 points. Donc la question que je voulais poser, c'était par rapport à l'état de forme de Lille. Est-ce que vous pensez que Lille a vraiment de sérieuses chances d'être rétrogradé en Ligue 2 cette année, en sachant que ça fait le cinquième match d'affilée qui ne gagne pas en Ligue 1 ? Oui, étant donné qu'en plus il y a les affaires qui continuent avec Belsa qui doit plus de 300 000 euros maintenant au club. Donc je pense que Lille n'est pas sortie encore de ses affaires. Ouais non, je pense que l'ambiance est de plus en plus délétère au LOSC, c'est clair. C'est un club clairement, une institution du football français en difficulté. En tout cas, bon, institution, peut-être que Flo ne dirait pas ça, mais des 10 dernières années de notre football et qui est véritablement en péril. J'avoue qu'en début de saison, je ne pensais pas forcément que Lille avait tant de soucis à se faire. Et plus la saison passe, plus on a de quoi s'inquiéter. Et ils prouvent en plus très peu de choses sur le terrain, ils enchaînent les défaites. Donc j'imagine très clairement cette équipe dans une situation difficile. En tout cas, pour se sauver, il faudra vraiment proposer autre chose d'ici la fin de la saison. Ça, c'est une certitude. Surtout avec un calendrier qui est très compliqué, avec un match aussi à Monaco, à Marseille, face à Bordeaux aussi. Donc et Montpellier compliqué. Et Montpellier qui arrive, avec un projet qui, au final, se sera révélé un projet fantôme qu'on nous vendait comme un projet faramineux au mois de septembre. Un peu comme chez les voisins du Nord, quoi. Oui. Oui, oui, une situation un peu difficile dans le football nordiste. Pourtant, une grande région de foot, ça c'est clair. Et puis Lille, effectivement, on a en tête aussi l'enceinte, hein, le grand stade Pierre Mauroy de Lille, qui a aussi accueilli d'autres grands événements et qui, au final... Le plus grand événement qu'il y a eu dans ce stade, c'est le tennis, au final. Voilà, qui est le tennis avec la Coupe Davis. Et, beaucoup plus que le foot jusqu'à présent. Et malheureusement, ça semble un investissement un peu périlleux pour une ville comme Lille qui espérait bien mieux en accueillant du sport et de très beaux événements. Très bien, on va passer à notre deuxième sport. Il y a eu aussi du championnat dans le rugby, le top 14 notamment. Oui, tout à fait. Il y a une pause dans le tournoi destination. Du coup, le top 14, lui, joue encore. Et Lyon s'est imposé face à Toulon au terme d'un match un peu ennuyeux, hein, sans essai, 15-6. Montpellier a chuté. Donc, le leader a perdu chez le promu à Genève 31-29. Castres a perdu à domicile contre Pau, 29-27. Les Palois sont invaincus depuis le début 2018. Le Racing a gagné contre Brive péniblement 17-13. Le Stade Toulousain est allé chercher l'UBB 25-19. Oyonnax a battu le Stade Français 33-27, qui plonge Paris dans la crise. Et Clermont, après 6 défaites consécutives, s'impose face à La Rochelle. Alors on s'était trompé dans les pronostics la semaine dernière, on avait dit que c'était La Rochelle qui recevait Clermont. Mais au final, c'est bien les Clermontois qui recevaient les Rochelais. Et au final, les Clermontois ont mis fin à une spirale négative en s'imposant 21-17 face à de solides Rochelais. Ce qui fait que La Rochelle est en difficulté dernièrement. La Rochelle, du coup, sort du top 6. 8e, je crois. Et 7e. Alors, La Rochelle est à égalité avec le Loup, avec 51 points. Justement, au niveau du classement, Montpellier toujours devant, malgré la défaite, avec 61 points. Le Racing et Toulouse sont juste derrière, avec 58 et 57 points. Et puis derrière, Castres, Toulon et Castres ont le même nombre de points. Stade Toulousain, pardon, Pau et alors je vais reprendre. Pau, Toulon et Castres, je suis perturbé, pardon. Pau, Toulon et Castres ont le même nombre de points avec 52 points et La Rochelle et le Loup sont derrière avec 51 points et derrière c'est relancé hein, avec Oyonnax qui a battu contre le Stade Français qui en plus a perdu et Brive qui encore qui n'est qu'à 4 points donc de la lanterne rouge Oyonnax. Dimitri, voilà. Je voudrais donner une mention spéciale à la section paloise qui a vaincu en ce début d'année 2018 donc qui pourrait être la surprise de cette fin de saison. Qui est quatrième, hein, ouais. J'avais une question peut-être sur Oyonnax, t'en parlais. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Est-ce qu'ils peuvent revenir et, bah, étant donné, moi j'ai vu le match. Étant donné la qualité du jeu qu'ils ont proposé contre le Stade Français, puis même ces derniers temps, porté par un 10 Ben Bochica qui enchaîne les bonnes performances. Meilleur réalisateur du championnat. Oui. Voilà, à noter aussi. Brive qui au contraire est en difficulté, le Stade Français aussi. Agen qui eux par contre sont dans une bonne phase. Donc ça va être compliqué pour Yona, mais sait-on jamais, cette fin de saison s'annonce palpitante au niveau de tout le tableau. En tout cas, on les avait sans doute enterrés trop tôt. On les avait sans doute enterrés trop tôt, et puis à l'inverse, dans le haut du tableau, il y a deux équipes que je trouve qui font une saison remarquable, c'est à la fois Pau, alors bon, on a déjà parlé de Lyon, donc je vais pas parler de Lyon de cette fois-ci, mais du Stade Toulousain comme institution aussi qui avait disparu, notamment la saison dernière. Qui avait flirté avec la relégation. Très proche de la relégation, comme le Ville Stade Français, par contre, que je pense qui est vraiment en danger, hein, peut-être pas autant que Lille, mais pas loin. Pour faire l'analogie football-rugby et le Stade Toulousain qui fait aussi une très belle saison et qui allait chercher une magnifique victoire à Bordeaux. Bordeaux qui plafonne un petit peu comme La Rochelle en ce moment. Et Bordeaux qui depuis que Jacques Brunel est parti aussi vit quelques difficultés. C'est Rory Teague, le Britannique, qui a repris le club, qui a du mal pour l'instant à imposer sa patte, mais c'est normal, ça prend du temps. Et je pense qu'ils ont de toute façon dit adieu à la qualification puisqu'ils ont, ils ont 12 points de retard sur La Rochelle qui est 7e. Donc ça s'annonce compliqué aussi pour les Bordelais. Très bien, notre dernier sport de ce soir, c'est le sport d'hiver. Enfin, les sports d'hiver, du coup. Les sports d'hiver, notamment les skis alpins. Ils peuvent être nombreux, en particulier le ski alpin, mais on ne va pas démarrer par le ski alpin. En plus, sachant que c'est la semaine de la journée de la femme, on va démarrer par les grosses victoires à mettre du côté de nos Françaises qui ont brillé encore après les Jeux Olympiques, et notamment une qui est vraiment, je pense, le porte-étendard du sport féminin parmi les sports d'hiver, qui est Perrine Laffont, qui l'a encore emporté après son titre olympique à Pyeongchang, et qui l'a emporté du côté de Tazawako au Japon, et qui n'est pas un succès anecdotique parce qu'en plus ça lui permet de prendre la tête du classement général de la Coupe du Monde à très peu de temps finalement de la fin de la saison, donc c'est intéressant pour elle. Après son titre olympique, elle pourrait aller chercher le classement de la Coupe du Monde et ça lui permet donc de passer devant l'américaine Jaylin Koff, et elle l'emporte donc cette fois-ci dans cette étape devant Justine Dufour-Lapointe qui est également médaillée d'argent derrière elle aux derniers Jeux Olympiques, et une autre américaine, Keaton McCargo. Donc c'est une belle perf, et puis à l'inverse, il y en a une qui confirme. Il y en a une autre qui va aussi confirmer, alors qu'elle a eu un petit échec à Pyeongchang, on peut le dire, c'est Tess Le Deux, la cousine, bon, même s'il ne faudrait pas à chaque fois mettre la référence à celui-ci, parce qu'elle est au moins aussi talentueuse de Kevin Roland, Tess Le Deux, qui l'a emporté aussi en ski slopestyle du côté de Silva Plana. On sait que c'est une très très jeune skieuse et un grand espoir aussi pour les prochains JO qui auront lieu du côté de Pékin en 2022, et elle l'emporte, c'est son troisième succès, donc deuxième de la saison, donc super superbe de sa part avec un run à 89.60 points pour elle. Donc c'est plutôt une belle performance qu'il fallait souligner. Parlons avant d'arriver au ski alpin d'un autre sport qui nous a un petit peu déçus du côté de Pyeongchang, mais nous avait tellement habitué à un record incroyable du côté de Sochi, c'est le ski cross. Le ski cross qui s'est refait une petite santé, même si on attend encore mieux de leur part, tellement ils sont capables de bien. Avec les Françaises comme les Français qui ont fait de bons résultats. C'était du côté de la Russie à Sunny Valley où notamment Alizé Baron est parvenue jusqu'aux demi-finales, encore malheureusement pour elle aux portes de la finale, mais ce qui reste une bonne performance et preuve de sa constance. Et surtout du côté des masculins, mais le retour au premier plan de nos skieurs qui n'étaient pas parvenus jusqu'à la finale avec deux finalistes, Jean-Frédéric Chapuis qui a été champion olympique à Sochi, qui a atteint la finale, tout comme François Place, qui a été médaillé au championnat du monde, mais qui en était jamais arrivé en finale d'une manche de Coupe du Monde. Et malheureusement pour eux, on sait qu'il y a 4 skieurs en finale, mais bon, ça reste quand même déjà un beau résultat d'être allé jusque-là. Ils finissent 3e et 4e, mais 3e place pour Jean-Frédéric Chapuis, qui lui permet de revenir au classement de la Coupe du Monde, juste derrière Marc Bischofdörfer, qui est donc le leader actuel suisse de la Coupe du Monde. Et donc, il revient à 68 points, donc c'est de bon augure pour lui. Encore une possibilité de reprendre la tête du classement de la Coupe du Monde, un classement qu'il a déjà remporté à plusieurs reprises. Du côté du snowboard cross, mais une des bons résultats à noter pour nos Français aussi, deux Françaises, Charlotte Banks et aussi surtout Nelly Moen-Locoz, qui sont arrivées en finale et qui ont réussi une bonne performance, sachant qu'elles finissent 2e et 3e de la dernière manche du côté de l'Espagne à La Molina. Donc un bon résultat. Elle termine juste derrière Eva Samkova, qui a été médaillée de bronze aux derniers Jeux Olympiques de Pyeongchang. Et du côté des hommes, Pierre Voltier, tout comme le jeune Merlin Surgé, ont été éliminés aux portes de la finale, en demi-finale, mais bon résultat quand même d'ensemble pour les Français qui arrivent donc pas très loin de cette finale. Et puis bon, on sait que Pierre Voltier aussi, comme d'autres champions, après les Jeux Olympiques, c'est quand même difficile d'enchaîner encore des performances, puis il est vraiment passé pas loin sur une petite erreur qui passe pas la finale, et on sait qu'il est quand même solidement installé pour remporter encore cette année le classement de la Coupe du Monde. Et donc on va... Oui. Surtout qu'il n'y a pas de pause au final en ski, en sport d'hiver surtout cette année. Que, ouais, enfin, je pense que ça peut être surprenant, tu fais bien de le signifier, contrairement par exemple aux Jeux Olympiques d'été où lorsque les sportifs terminent les Jeux d'été, la saison pour eux, si je ne me trompe pas, n'est pas terminée. Mais en tout cas, il y a vraiment un arrêt, quoi, une véritable pause. Au JO d'hiver, on peut en être surpris. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas quelques jours, ou très très peu. Je sais notamment que les skieurs de l'hémisphère nord, des États-Unis ou du Canada, n'ont pas pu rentrer chez eux pour le moment, même après le titre olympique ou déception, et ont dû enchaîner directement par les manches en Europe dès ce week-end. Donc ça peut être quelque chose d'assez difficile, et puis en tout cas on voit que nos Français ont été capables de continuer sur leur bonne lancée. Voilà. Et puis on va peut-être terminer tout simplement avec le ski alpin, la discipline reine qu'on dit donc des sports d'hiver, en commençant aussi par les filles. Alors il y a eu deux compétitions ce week-end, il y a eu le Super G et le Super Combiné, donc c'était du côté de Crans-Montana en Suisse, et c'est la victoire de Tina Weirater du Liechtenstein devant Anna Veit, qui a aussi été médaillée d'argent derrière l'éternelle Esther Ledecka aux derniers Jeux Olympiques, et Wendy Holdener qui était partie, qui est une skieuse très, très connue bien sûr, mais qui était partie pourtant avec le Dossard 31. C'est pas sa discipline de prédilection, et elle a été assez impressionnante en parvenant à la 3e place. Donc Weirater, grâce à cette victoire, prend la tête du petit globe de la spécialité à une manche de la fin devant Lara Gutz, qui a été un petit peu décevante, et la première française est donc Laura Gauthier qui termine 27e, donc un petit peu loin, mais bon, c'est un peu la constante de nos Françaises, mais aussi qui découvrent le plus haut niveau dans ces disciplines, et qu'on reverra peut-être, on l'espère en tout cas, avec des performances de plus haut niveau encore prochainement. Enfin, donc le super combiné, je donne juste le résultat, c'est Federica Brignone qui l'a emporté, et malgré cette victoire, elle découvrait la discipline, mais avec brio. C'est Wendy Holdener seulement, si je puis dire, quatrième, qui remporte fort logiquement le super combiné qu'elle a dominé tout du long. Et puis donc, avant de parler de sport féminin, on va finir avec les hommes, les manches qui ont eu lieu. Donc c'était du côté de Kranjska Gora en Slovénie. Et donc deux épreuves d'importance, le slalom géant et le slalom, qui ont sacré le même homme, qui domine la saison du début à la fin, c'est Marcel Hirscher, qui a marqué les Jeux Olympiques et qui de nouveau a brillé, et qui l'emporte en slalom géant devant Henrik Kristoffersen et Alexis Peintureau. On le disait avec Paul, le même podium qu'aux Jeux Olympiques, tout simplement. Et Hirscher a réalisé d'ailleurs des écarts assez incroyables sur ce slalom géant, mais bon, on peut se satisfaire quand même de cette place de peinture. C'est intéressant de voir la différence entre Michaela Schifrin chez les femmes et du coup ouais. Marcel Hirscher deux chez icônes. Les hommes, ouais. Parce qu'il domine totalement le ski cette année. Ouais, il domine totalement le ski. Leur discipline en tout cas. Et leur discipline, rien qu'à voir aussi Michaela Schifrin qui a remporté quasiment l'ensemble des slaloms, hormis malheureusement pour elle celui de Pyeongchang de la saison. Tout comme Marcel Hirscher d'ailleurs, c'est son seul impair. Voilà, on a des grands sportifs de deux côtés qui auront marqué leur discipline cette saison. Et donc, terminons par le slalom, parce qu'on a quand même une bonne nouvelle côté français, même si ce ne sera pas la boîte, ce n'est pas le podium, mais Clément Noël a terminé quatrième, d'un slalom dominé à nouveau, je me répète, donc par Marcel Hirscher. Et on sait qu'il est très jeune, c'est un espoir vraiment du ski français, et je pense que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qu'on peut avoir vraiment de gros espoirs pour lui dans les années à venir. Quatrième dès ses premiers Jeux Olympiques dans une discipline très, très difficile. C'est parallèle. En slalom. En slalom. En slalom, ouais. Il a fait aussi, effectivement, je pense que c'est pour ça que tu t'y réfères, le team event avec la France. C'est ça. C'est le parallèle où ils finissent quatrième aussi. Et où ils finissent quatrième également. Donc, du coup, on pourra d'ailleurs en parler éventuellement de cette discipline, parce que c'est une discipline, le team event, où les filles et les garçons sont dans la même discipline pour faire gagner leur pays. Et donc, oui, très bonne performance quand même de Clément Noël qui finit quatrième derrière un podium qui était vraiment difficile à aller chercher, sachant qu'on retrouve de nouveau Hirscher, Kristoffersen et enfin Zena Ozern qui a été médaillée d'argent aussi au dernier JO et qui est l'homme en forme qui nous a d'ailleurs fait mal en demi-finale du team event. Et donc Marcel Hirscher est bien parti pour tout renverser sur son passage et remporter le septième globe pour lui dans la discipline. Parfait. Comme ça, c'est complet au niveau des sports d'hiver. On en avait déjà bien parlé au début d'année, mais bon, année olympique forcément, donc plus de sports d'hiver. Automatiquement. On va passer tout de suite au deuxième jingle, Sport Montpellier. Sport and Chill, le sport montpelliérain. Et donc le week-end Montpellier-Rhin, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, avec 3 victoires, un match nul et 3 défaites parmi ce match nul, le seul match nul d'ailleurs de ce week-end, c'est le MHSC, le football, avec match nul contre l'Olympique Lyonnais, un partout, avec le but de Mbenza pour Montpellier et de Mariano pour Lyon. Peut-être une petite réaction de ce que tu en as pensé sur le match, un match plutôt intéressant, mais plutôt le score est plutôt mérité. Plutôt sympa à voir, parce que malgré la pluie, on s'est quand même amusé. Moi, c'est un petit moment que je n'étais pas là à la Mousson. C'est parce que tu étais en dessous des tribunes, toi. J'étais en dessous des tribunes, voilà, je n'étais pas sous la pluie comme toi, c'est sûr. Du coup, j'ai profité un peu plus. Mais j'ai trouvé Montpellier, surtout mieux en deuxième mi-temps, mais qui a tenté, malgré une belle équipe lyonnaise qui se présentait à la Mousson. Et au final, un partout, c'est mérité. Il y a un pénalty qui aurait pu être sifflé. Je ne sais pas si vous avez vu l'action. Oui, il y avait pénalty pour moi. Il y avait pénalty, oui, voilà. Ouais. En plus, les deux pieds en avant. C'était assez flagrant. Et Darzakarian, je crois, d'ailleurs, bien montré son mécontentement. Comme souvent. Comme souvent aussi. Après, ouais. Il y avait hors-jeu aussi non sifflé, mais là, un peu plus compliqué à déterminer tout de même. Oui, aussi. Et c'est là, mais c'est vrai que le pénalty était plutôt flagrant. Et l'arbitre hésite d'ailleurs. Il est très très proche de l'action. Après, moi-même, à vitesse réelle, je me suis demandé s'il prenait vraiment le ballon. Bon, peut-être que c'est aussi parce que je suis ancien rugbyman, alors je vois les contacts autrement, un petit peu comme le football anglais, mais honnêtement, après avoir revu l'image, il y a clairement pénalty. C'est peut-être que là, justement, l'arbitrage vidéo qui sera autorisé l'année prochaine en Ligue 1 et aussi en Ligue des Champions. En Coupe du Monde aussi. En Coupe du Monde, pas en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, justement, voilà, c'est ça. Et ben, peut-être que justement, ce genre d'injustices pourront être rendues. Effacées, peut-être. Voilà, effacées. Ok, très bien. Donc au niveau du classement, Montpellier repasse 6e puisque c'est Rennes qui passe maintenant 5e. Au retour de Rennes, impressionnant d'ailleurs. Ouais, comme les autres d'ailleurs, Bordeaux ou encore la Saint-Etienne qui revient. Prochain match pour Montpellier, on en a parlé tout à l'heure, c'est à Lille, à Stade Pierre-Mauroy. Donc pourquoi pas aller chercher les 3 points face à une équipe un peu plus faible cette année. On espère en tout cas. Pourquoi pas. S'ils veulent aller chercher l'Europa League, c'est le moment. Ce qui est un peu dommageable, c'est le nombre de points, c'est de considérer depuis le début de l'année, le nombre de points perdus à domicile face à des équipes dont on pensait certainement que les 3 points étaient plus faciles. Certainement, je pense qu'en ayant vu quelques matchs de ce genre à la Mousson, c'est le fait que l'équipe ne pousse pas assez offensivement dans les dernières minutes. Et quand on compte tous ces points à la fin de saison, je pense qu'il pourrait y avoir une sensation de regret si l'équipe ne se qualifiait pas en Coupe d'Europe. Puis ils ont les capacités de le faire surtout. Oui. Face à Guingamp, Rennes, etc., c'était des équipes qui étaient largement abordables. Donc, Au niveau du MHSC féminin, du coup, il n'y avait pas de match ce week-end. Prochain match le 11 mars, où elles affronteront donc Guingamp à l'extérieur. Je passe du coup toujours chez les féminines, mais cette fois-ci du côté du rugby. Victoire du MRC 17-0 contre Bobigny. Victoire nette et sans bavure, donc notamment avec des essais de Pauline Reissac, Corélia Daudet ou encore Caroline Boujard. Les Coccinelles donc solidement première de top 8 devant Villeneuve-d'Ascq, pardon, qui n'a toujours pas joué, mais malgré ça, elle reste toujours première facilement. Il reste, je crois, donc deux matchs en saison régulière, donc là où les playoffs arrivent, là où le plus important pour elle arrive du coup cette saison. Prochain match tout de même le dimanche 25 mars à domicile contre le Stade Toulousain, actuellement troisième du championnat. Équipe Montpellierenne que je vous encourage à aller voir parce que vraiment ça joue, qui joue très, très bien, ouais. Qui joue à Sabaté, donc l'ancien stade du actuel MHR, sachant qu'il a aussi changé souvent de nom, et qui est une très très belle équipe et qui a remporté déjà à plusieurs reprises le championnat. Ouais, championnat en titre. Voilà, on les a vus, moi qui suis abonné au MHR depuis bien longtemps, faire souvent le tour d'honneur à la fin de la saison avec le bouclier. À défaut des hommes, justement. Oui. À défaut des hommes, et d'ailleurs on devrait plus les célébrer parce que c'est vraiment une équipe assez incroyable. Chez les hommes, justement, on en parlait. Chez les hommes, ils se déplaçaient à Agen, donc défaite 31-29, après un match un peu bizarre. Hein, Montpellier qui domine le début de rencontre, qui se prend un carton rouge très rapidement. Bon, un carton rouge assez logique, hein, le coup d'en avant. Et puis on se dit peut-être que les Montpellierains vont baisser le pied, mais non. Ils marquent deux essais très rapidement avec Picamol et Jesse Mogg. Mais donc 14-0, on se dit qu'on commence bien, qu'on va réussir à jouer malgré le fait d'être réduit à 14. Mais les Agenais vont se réveiller, aussi emmenés par un public de folie, qui vont marquer 3 essais juste avant la mi-temps. Les Montpellierens prennent en plus un carton jaune, donc réduit à 13, donc 13 contre 15, ça se complique. Et donc 21-17 à la pause, donc on voit que les Agenais ont bien remonté leur retard. Et dès le début de la deuxième mi-temps, à peine le coup d'envoi donné, le surpuissant ailier, soi-disant cousin de Trusova, qui va marquer le quatrième essai des siens. Donc ça fait qui porte le résultat à 28-17. On dit que ça va être compliqué pour les Montpellierens, mais qui malgré tout, dans l'état d'esprit, on s'est un peu inquiété la semaine dernière face à Bordeaux, mais qui là ont montré un peu des valeurs, qui ont réagi, qui ont donné tout ce qu'ils pouvaient, et qui échouent finalement à 2 points à la fin. Cruden à la botte au bout du pied, à la pénalité de la gagne au bout du pied en fin de match. Sur un terrain gras face au promu, ça paraissait un peu compliqué. Il la manque et au final, Montpellier perd 31-29. Surtout, le gros point noir, c'est la blessure de Benoît Payog qui, après qui être terminé, revenu 2 mois après sa blessure, qui était revenu avec beaucoup d'espoir, parce que c'est un des cadres de l'équipe de Montpellier. Qui, a priori, ce serait c'est officiel. C'est ligament croisé. C'est rupture ligament croisé. C'est l'histoire de sa carrière, hélas. C'est l'histoire de sa carrière et c'est très dommageable pour la saison de Montpellier parce que vraiment, c'est un joueur qui a un accélérateur de jeu assez incroyable. Et un cadre, il y a un patron qui a beaucoup de charisme sur le terrain et qui aussi pouvait soulager un peu Juan Pinard qui enchaîne les matchs, qui derrière lui, il y a le jeune Enzo Sanga qui vient de Clermont, qui n'a que 20 ans. Et derrière, il y a aussi Arthur Guigues et Aziz Fili qui sont aussi qui ont à peine 18 ans. Donc je pense que Pinard va finir la saison un peu sur les rotules et il n'aura pas beaucoup de souffle. Pas beaucoup soufflé. Mais comme quoi, juste pour le signaler, la semaine dernière on était au match, on gagne et on avait de quoi être déçu de la performance. Cette fois-ci on perd et bon avec les regrets de la défaite bien sûr, mais beaucoup de points positifs. On va passer tout de suite au handball aussi, puisqu'il y a eu 2 matchs d'ailleurs cette semaine, un match plutôt correct, puisque c'est la qualification en Ligue des Champions et l'autre qui fait un peu plus jaser, on va dire. Et oui, donc 2 échéances pour le MHB cette semaine, en milieu de semaine, la 16e journée de la Lidl Star League se déroulait. Donc évidemment, le sommet, c'était le match de jeudi soir entre le premier et le second, à savoir Paris-Montpellier à Coubertin. Victoire de Paris nette 26-19, avec. Pour le coup, moi j'ai regardé le match, 20 très très grosses premières minutes du MHB qui dominait avec un très très bon Gérard dans les cages, qui avait arrêté je crois 5 ou 6 tirs. Et puis à partir de la 20e minute, le PSG a déroulé. On a clairement vu que Montpellier se préparait pour le match de barrage dimanche. Donc défaite sans trop de conséquences pour Montpellier qui conserve 4 points d'avance sur Paris et 6 sur Nantes. Donc toujours deux victoires d'écart entre Paris et Montpellier qui peut encore pour l'instant voir venir si Montpellier négocie bien ses gros matchs à domicile. Et donc le match barrage de retour de la Ligue des Champions contre Ademar León avait lieu hier à Bougnol. Victoire de Montpellier 20 à 19 qui se rajoute à la victoire qui s'était déroulée en Espagne 28 à 24. Victoire compliquée. Victoire compliquée, Ademar qui menait, menait 13-8 à la pause. Oui, et menait 19 à 18 aussi à 5 minutes de la fin. Montpellier qui s'est bien repris avec le meilleur buteur qui était Vid Kavchitnik avec 6 buts au compteur. Et encore une fois, un gros Gérard qui finit très bien sa saison. Espérons que ce soit le cas pour les matchs qui viennent en championnat et en coupe. Donc Montpellier qualifié qui jouera Barcelone en 8e de finale à la fin mars. Et non Nantes. Voilà. L'autre et dernier club espagnol d'ailleurs. Voilà, donc l'aller se déroulera certainement le 24 ou le 25 mars. Et le retour le 31 mars et le 1er avril. Le retour à Barcelone, c'est important de le dire surtout. Oui. Ouais. Donc ça sera très compliqué, mais moi on peut y croire. Oui, c'est jouable, c'est jouable. Ça aurait été peut-être mieux si on avait joué contre Nantes. Oui. On sait les jouer. Peut-être Barcelone, ça va être un plus gros challenge. Il faut mieux affronter, je pense, en gros, pour se mettre dans un état d'esprit que c'est une compétition à élimination directe. Donc ce serait un peu mieux, je pense. Pourquoi pas. Et puis après, du coup, les prochaines échéances pour Montpellier. Et donc le match de coupe, c'est dimanche contre Saint-Raphaël, le quart de finale à 17h à René Bougnol. Donc je pense que c'est un match prenable pour Montpellier. Et le match qui sera à venir en championnat sera face à Massy, toujours à Bougnol. Bah, donc pour l'instant, c'est surtout fin mai, enfin, surtout c'est mois de mai, si je me trompe voilà, pas. Voilà, c'est à partir du mois de mai que tout va s'enchaîner avec la réception de Nantes, de Dunkerque, le match face à Nîmes. Puis le Final Four, évidemment. Et le Final Four, espérons. Et avec aussi un déplacement qui ne sera pas négligé, qui sera du côté de Saint-Raphaël, quatrième du championnat. Et d'ailleurs, c'est le seul match qu'on a perdu à domicile. Enfin, qu'on a fait match nul à domicile. Oui. Sachant que la première défaite du championnat est arrivée jeudi à Paris. Ok, très bien. Moi, je continue sur le BLMA, donc le basket féminin, avec une défaite malheureusement à l'extérieur, à Nantes, 80 à 75. Défaite de justesse pour le BLMA en déplacement. Beaucoup de regrets, puisque avec notamment une opportunité de confirmer les deux dernières victoires face à Tarbes et à Mandeville. Ce qui fait qu'au classement, le BLMA reste à la 7e place de l'FB avec 8 victoires et 8 défaites. Donc comme ça, c'est neutre. Prochain match à l'extérieur, encore une fois, donc ce dimanche à Saint-Amand, le Hainaut, pardon, pour le compte de la 17e journée de LFB. Au niveau du volley, il y a le Mavuc. Il y avait deux matchs aussi pour le volley cette semaine, pardon. La Coupe CEV, donc la Coupe d'Europe, élimination des Montpellierains en quart de finale face au club italien donc de Vérone. Montpellier s'est incliné à domicile 3-7 à 1. Il n'en reste plus aucun Français d'ailleurs, puisque en Coupe CEV, Ajaccio s'est fait éliminer aussi en quart de finale. Gros match de Vérone, hein. Ils étaient au-dessus, les Italiens. D'ailleurs, au volley, généralement, Italiens sont au-dessus. De toute façon, ouais. C'est une des meilleures ligues, si ce n'est la meilleure ligue d'Europe. En championnat, donc victoire là cette fois-ci à Tourcoing 2-7 à 3 donc pour Montpellier. Vainqueur dans le Nord, puisque à l'issue d'un étouffant donc tie-break après 4 balles de match, les volleyeurs de Montpellier ont pris leur revanche sur l'allée, puisque les Nordistes étaient venus gagner chez nous donc ce samedi soir lors de la 20e journée de Liga, et donc assurent pour le même coup la qualification en play-off pour le volley. Une belle performance d'ailleurs du duo Jean-Patry donc avec Sens, avec 46 points à E2, donc une belle performance ce soir-là. Prochain match donc le 17 mars à domicile contre Poitiers, toujours en saison régulière, dans l'attente évidemment des playoffs dans un mois si je ne me trompe pas. Le futsal, donc pas de déplacement pour le futsal ce week-end, puisque je crois qu'il y a match international. Puis donc match ce samedi donc en déplacement à Bruguière qui sont 7e. Le MWP Waterpolo, pareil, pas de match en Waterpolo, mais choc important, c'est ce mercredi dans le derby entre Montpellier et Marseille, très important pour la suite du championnat. Et enfin, donc les Vipers, Villard de Lens, Vipers, c'était les playoffs, c'était les quarts de finale, et pas de match, assez étonnant, puisqu'il y a un problème de surface à la patinoire de Villard de Lens, donc du coup, c'est annulé. Et prochain match. C'est pas déclaré forfait. Non, c'est annulé, donc je sais pas ce qu'ils vont faire sur le site officiel du hockey, rien d'écrit en plus. Étonnant cette histoire. Prochain match, c'est le match retour techniquement du coup pour le hockey à Montpellier du coup à Vegapolis, si vous voulez suivre, c'est ce week-end. Et je vais finir par le résultat du Krebs, puisque chaque mois on fait le résultat du Krebs à Montpellier, et je vais donner les résultats principaux, pardon, et donc les championnats du monde de salle à Birmingham qui se sont déroulés donc cette semaine. Et notamment, vous l'avez sans doute vu, Kevin Mayer qui est champion du monde avec 6348 points à l'heptathlon. Antoinette Nadjimou qui est 12e au pentathlon, donc avec 3705 points, mais qui a été blessée et qui n'a pas terminé le 800 mètres. Et Katarina Thompson Johnson, qui est la Britannique et championne du monde également en pentathlon, avec 450 points. C'est compliqué ces scores. Hein. Ouais, forcément. En championnat de France, en salle d'épreuve, donc là c'est le score combiné des jeunes ainsi que donc la N2 à Lyon, c'était début février. Oriana Lazrak, première donc en junior, Mackensen Gletti donc deuxième en junior, Yann Besson qui est partenaire au Krebs donc deuxième en senior, Clément Foucat pardon, troisième en espoir, Fiona Espagnier cinquième en espoir, Eva Marine, sixième en cadet. Et finalement, donc, les derniers résultats, championnat de France junior de taekwondo, puisque c'était ce week-end à Montpellier. Trois médailles d'or, notamment donc, pour le Krebs, Fatima Swidi en moins de 63 kilos, Kaïs Bellassen en moins de 51 kilos et Théo Lucien en moins de 59 kilos. Donc, belle performance pour ces trois jeunes du Krebs. Au niveau de l'agenda, Pôle Espoir de Golf qui joue donc au Grand Prix du Cap d'Agde, c'est du 7 au 11 mars, donc c'est en cette semaine. Le championnat de France universitaire de taekwondo, ça continue pour le taekwondo à Montpellier le 17 mars. Le Pôle Espoir donc, de baseball joue à Verracy, donc ici à Montpellier, le 16, 17 et 18 mars. Et enfin, le CNFVB, pardon, le volleyball, face à Allouin, ça sera ici au Krebs d'ailleurs, le 31 mars à 16h, date et heure à confirmer d'ailleurs. Si encore certains doutaient du fait qu'on avait beaucoup de sport à Montpellier, là ils sont servis. On est gâtés ici. Kevin Maillard a gagné de 5 petits points, je crois, face au Dauphin. Donc c'est victoire. Ça a mis longtemps à se préciser en tout cas. Ouais. Bon. On va passer, parce que sinon on n'aura pas le temps de parler du débat, on va passer à notre première pause musicale avant de parler avec nos invités aujourd'hui qui sont déjà arrivés depuis un petit moment, qui nous écoutent. Hein. Et on va faire notre première pause musicale, donc c'est Peggy Gou, et donc c'est le titre Anne Joe. De retour sur Sport & Chill, c'était Peggy Gou donc avec le titre Anne Jan. On passe tout de suite à l'interview. Sport & Chill, l'interview. L'interview Chill. Du coup aujourd'hui, émission spéciale du sport féminin, on va parler notamment de deux thèmes principaux, à savoir donc le développement du sport féminin. Le développement, je parle aussi du développement physique, tout simplement, pas forcément le développement en sens général. Et on va parler en deuxième partie, tout à l'heure, vers 20h, des inégalités salariales, parce que ça touche aussi le sport, encore d'ailleurs, le sport. Et on en parlera un petit peu de ça tout à l'heure. Je reçois donc ce soir 4 sportives, 4 athlètes, dont 3 en natation et 1 en VTT. Il faut me le dire d'ailleurs si je me trompe sur certaines choses. Je sais que donc il y a surtout des nageuses donc en nage libre, aussi il y a des championnes d'Europe, des titres en championnat d'Europe, des titres également en championnat du monde. On devait recevoir d'ailleurs Aurélie Müller. On a des titres aussi en championnat de France forcément. Mais il n'y a pas que la natation pour certaines. Je crois qu'il y a Margot et Justine, si je ne me trompe pas, qui ont toutes deux aussi titré aux mondiaux de sauvetage sportif. Oui, c'est ça. D'ailleurs, on a reçu première émission avec le Krebs. On a reçu Jérémy Lahaye qui était aussi en sauvetage sportif. Donc merci d'être venu et bonjour à vous tous. Peut-être faire un petit tour, vous présenter très rapidement sur peut-être Maëlys justement. Sur le VTT un peu, vu que tu as commencé ta saison, d'ailleurs hier c'est ça si je ne me trompe pas? Hier exactement, oui, alors moi je fais du VTT trial, ouais. Et du BMX freestyle aussi à côté quand j'ai du temps. le vélo trial c'est un vélo qui n'a pas de selle, voilà, donc on ne s'assoit jamais, donc c'est tout sur les bras, sur les jambes. Ah ouais, d'accord, faut pas tomber. Je monte sur des cailloux, je roule sur des troncs, j'ai pas peur de la hauteur, je saute un peu partout, voilà, c'est un peu de l'escalade à vélo. Et du coup la surface de ça c'est quoi exactement? Justement tu dis je roule sur des cailloux, quoi que ce soit, c'est pas des surfaces par exemple lisses ou dans les compétitions? Non, en général on est sur des terrains, on est dans la terre, on est dans les graviers, des fois dans l'herbe. Hier j'étais à Barcelone, c'était l'ouverture de la saison, ouais. C'était ma première compète, c'était la Copa Catalana. Je fais 4e et donc là on était en plein centre-ville au-dessus de la fontaine magique de Montjuïc. Ouais. Et donc là c'était du béton le sol et ils nous avaient donc amené les cailloux, les buses, les poutres, tout ça en plein centre-ville. C'est un beau panorama tout de même. Ah oui, ça fait des super photos et puis c'est un cadre, c'est magique un peu pour faire du trial là. C'est vraiment agréable. Je suppose. Peut-être les autres invités qui voudraient se présenter. Bonjour. Moi le vélo c'est pas trop mon truc. Moi du coup je fais la natation, course et je ne fais pas de sauvetage, contrairement à mes collègues. Je fais de la brasse. Nous on a commencé la saison en septembre, donc c'était il y a un petit moment. On a fait toute la première partie de saison qui est plutôt en petit bain. On a terminé avec Margot les championnats d'Europe à Copenhague, en petit bain aussi. Et là, on vient d'attaquer depuis le mois de janvier la saison en grand bain, donc à bassin de 50 pour ceux qui savent pas. Et voilà, on a les championnats de France qui sont en mai, qualifs pour les championnats d'Europe, qui sont aussi en grand bain et qui se dérouleront cet été à Glasgow. Donc voilà. C'est la grande échéance de cette année. Ouais, c'est la compète majeure de l'année, okay. C'est championnat d'Europe. L'année prochaine, il y aura les championnats du monde qui, je crois, sont à Gwangju, en Corée. et l'année d'après, ce sera les Jeux à Tokyo. Et voilà, on monte crescendo. Ça ne s'arrête jamais. Chaque année, il y a une grosse compétition. Bon, il y aura une fin quand même. Tu préfères petit bain ou gros bain? justement? Moi, je préfère grand bain parce que je suis très très mauvaise dans toutes les parties. On appelle les parties non nagées, c'est-à-dire plongeon, virage et les coulées. Je suis très mauvaise. Je me fais donner par tout est relatif. Hein. À côté. Elle est quand même championne de France, donc tout est relatif. Ouais, elle est modeste aussi. Comment je me débrouille un petit bain? Et t'as fait les JO aussi 2016, donc. Ouais, aussi, mais c'est en grand bain. Donc, C'est que les JO apparemment. Non, c'est vrai que voilà. Après, non, je préfère largement le grand bain. Nos deux autres invités. Moi, bon, je précise quand même que c'était Fanny Deberg qui parlait parce qu'elle s'est pas présentée. Donc, donc moi, c'est Justine et j'ai pratiqué la natation du coup avec Fanny et Margot pendant plusieurs années et je me suis entraînée avec Philippe Lucas donc il y a une dizaine d'années maintenant. Et aujourd'hui, je pratique le sauvetage sportif, justement, donc à haut niveau, au niveau international. Et cet été, donc, j'ai participé aux World Games qui ont eu lieu à Wrocław, en Pologne, d'où je reviens avec deux titres et une place de vice-championne du monde. Du coup, je suis revenue avec ça et voilà. Qu'est-ce qui t'a fait passer d'une discipline à l'autre? La natation peut-être plus un sauvetage sportif. Pour être honnête, vraiment, c'était un peu le ras-le-bol parce que c'est vrai que nager pour nager, c'est assez difficile. Moi, ça a été surtout la non-participation et la non-sélection en équipe de France senior qui m'a fait changer. Parce que c'est vrai que j'étais de la génération, je suis un petit peu plus âgée que Fanny et Margot. J'étais de la génération de plus de l'or et tout ça, donc c'est vrai que c'était très très difficile d'accéder en équipe de France. Et puis voilà, j'ai loupé deux fois la sélection et à partir de là, j'ai découvert le sauvetage quand je suis arrivée à Montpellier. Et en fait, j'ai accroché tout de suite et voilà, je trouvais ça un petit peu plus fun. Ça m'a permis moi de reprendre le goût au sport et c'est vrai que non, j'ai vraiment pris plaisir. Tu peux nous dire un peu plus sur le sauvetage, cette compétition, vu que c'est inconnu au grand public? On a quand même eu les championnats du monde en 2014 ici. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on a eu les championnats du monde ici à Montpellier en 2014, où la France justement a gagné ce qu'on appelle la partie eau plate et a fini troisième au classement général des nations. Et en fait, voilà, le sauvetage, c'est un sport aquatique qui se déroule en deux parties avec des épreuves spécialisées en piscine et des épreuves spécialisées en mer. Les équipes se composent de 6 filles et 6 garçons qui se répartissent la totalité des épreuves. Donc il y en a 12 en tout individuels plus 9 relais. Donc ça fait quand même un paquet d'épreuves. Les compétitions sont sur 5 jours. Et voilà, il y a des classements individuels par épreuve, des classements, et puis à la fin un classement général des nations ou des clubs en fonction du type de championnat. Très bien, je laisse Margot terminer pour se présenter, puis on va passer au cœur du sujet. Ok, bonjour, du coup moi c'est Margot. Moi je fais de la natation et du sauvetage, mais je suis plus basée sur la natation en fait. Donc du coup moi j'ai connu le sauvetage en arrivant sur Montpellier aussi, parce que j'ai rejoint mon entraîneur du tout début, et il m'a dit si tu viens là il faut faire du sauvetage parce que c'est un pôle de sauvetage. Et j'ai direct kiffé en fait, parce que c'est grave. C'est cool, franchement. C'est plus ludique que la natation en fait, voilà, ouais, c'est plus ludique. Il y a des mannequins, il y a des palmes, il y a des tubes, puis il y a la partie côtier avec les planches, les kayaks. Ouais, non, c'est beaucoup plus fun. Ouais, ça fait faire autre chose, et c'est hyper complet, donc moi ça m'a beaucoup plu. Et voilà, donc après j'ai fait les jeux avec Fanny il y a 2 ans. Ouais, on a fait les championnats d'Europe cette année. Et là, la semaine prochaine, il y a les championnats de France de sauvetage à la piscine d'Antigone. Ouais. Okay. Donc voilà, prochain objectif. À noter que tu es vice-championne de France l'an dernier en 200 mètres. Nage libre, oui. Ouais. En natation course, du coup. Ou en natation course, ouais. Okay. Voilà, c'est ça. On va passer à notre cœur du sujet, du coup, le développement du sport féminin. Et j'ai fait une petite intro, ça c'est notre côté licence avec Yacine, une licence d'histoire. Du coup, je commence et je fais sur une citation justement d'un anti-sport féminin, qui est le baron Pierre de Coubertin, qui est le fondateur des Jeux Olympiques, mais qui avait des idées un peu différentes à l'époque. Et qui disait donc l'exaltation solennelle et périodique de l'athlétisme mâle avec l'applaudissement féminin pour récompense. Ça, c'était en 1912. Et heureusement, plus d'un siècle plus tard, donc aujourd'hui, les femmes ont clairement franchi la ligne qui sépare le spectateur du joueur, plutôt donc la spectatrice de la joueuse. Cependant, que la place qu'occupent les femmes dans le monde du sport en tant que joueuses ou entraîneurs reste encore peut-être trop marginale, une exclusion historique de jure et de facto qui tend à s'atténuer au fil du temps. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. La pratique sportive chez les femmes ne cesse de se développer. Entre 2008 et 2012, les licences délivrées à des femmes avaient progressé de 13,43%. Quant à la progression chez les hommes, elle n'était que de 5,81%. D'ailleurs, aussi, ici, le CREPS, par exemple, je donne quelques chiffres. Il y a 102 filles au CREPS, soit 35% de filles et 65% donc, du coup de garçons. Et au niveau des sportifs ici, 179 sportifs listés, dont 36% de filles et 64% de garçons. Donc pour l'instant, il y a encore une différence entre les filles et les garçons. On en parlera surtout plus tard de la mixité. Ouais. Et du coup, je voulais vous parler donc la première question. On parlait notamment de différences peut-être physiques. Est-ce que pour vous, on voit que les records féminins se battent de plus en plus, mais est-ce que peut-être elles ne plafonnent pas en ce moment ? Est-ce qu'on revient sur les hommes ou pas au niveau physique, ou peut-être déjà on est même égalité avec les hommes dans le sport ? Bah, moi, personnellement, je pense qu'un homme est un homme, une femme est une femme. Après, de là à parler... D'un physique féminin qui se rapproche du physique masculin, non, je pense pas. Les femmes, elles se développent avec leur temps aussi, avec les moyens qu'on leur donne. Et c'est vrai que on est obligé de se professionnaliser pour pouvoir nous être mises en avant. Donc c'est vrai qu'à partir de là, je pense que toutes les sportives, en tout cas de haut niveau, font en sorte de physiquement d'être au top pour être mise en avant, oui, pour pouvoir être... T'as été entraîné par Philippe Lucas, qui a aussi entraîné des hommes. Est-ce qu'on entraîne différemment un homme d'une femme ? Oui. Pas Philippe. Pas Philippe, ouais, justement, Philippe, voilà. Philippe, c'est quelqu'un de très particulier. Il a sa méthodologie, il a sa façon de voir les choses et ça, vraiment sa façon... il a une façon de faire. Ça marche pas. Pour lui, c'est comme ça. Mais après... Je pense qu'effectivement, on est obligé de toute façon d'adapter en fonction de la personne qu'on a en face de nous, que ce soit femme ou homme. On n'entraînera pas de la même façon deux garçons qu'on aura dans notre groupe ou deux filles qu'on aura dans notre groupe parce qu'elles vont avoir des réactions complètement différentes ou ils vont avoir des façons de faire complètement différentes. Donc je pense que de toute façon, l'entraînement passe par l'adaptation à la personne qu'on a en face de soi. Et après, femme ou garçon, c'est propre à chacun après. Est-ce que donc justement, on parle des acteurs, justement Philippe Lucas qui est un entraîneur du coup, est-ce que qui selon vous les acteurs qui développent justement le sport féminin ? Est-ce que c'est justement les sportives elles-mêmes, les sportifs, les clubs, les fédérations qui œuvrent le plus dans son sens pour vous ? Vous qui tous les jours vous devez voir ça du coup ? Vas-y Fanny. Moi je pense que c'est les sportives elles-mêmes parce que faut dire que dans le monde du sport il y a très peu d'entraîneurs féminins, il y a très peu d'encadrement féminin. Là où on peut trouver le plus de femmes c'est peut-être dans tout ce qui est le staff médical et encore ça reste c'est un staff médical, c'est pas. Moi je trouve que le sport féminin se développe grâce aux sportives, grâce à la cohésion qu'il y a entre nous. Et voilà, après moi je pense que, comme dit Justine, on ne peut pas entraîner un garçon comme on entraînerait une fille. Parce que déjà sur un point de vue physique, on n'est pas pareil. On ne peut pas demander la même chose à un garçon qu'à une fille. Chacun a son niveau et ce qui est normal. Et voilà, après les filles, ça reste des filles, c'est chiant une fille. Donc je pense qu'on ne peut pas aborder l'aspect psychologique et l'aspect relationnel pareil avec une fille qu'avec un garçon, ce qui est tout à fait normal. Donc... Est-ce que justement, on parlait justement des femmes dans le staff ou quoi que ce soit, est-ce que on sent un changement quand il y a une femme dans le staff ou dans l'encadrement ? Complètement. Ouais. Je pense vraiment que ça fait une différence parce que, alors moi je l'ai vu parce que j'ai entraîné quelques années au club de sauvetage à 7 et j'ai repris un groupe du coup au club du Montpellier Natation cette année chez les jeunes. Et il y a de la demande notamment du public féminin et des sportives féminines d'avoir quelqu'un, d'avoir une femme auprès d'elles pour pouvoir discuter parce qu'elles ne peuvent pas non plus toujours discuter. Ça peut être par exemple, je vais parler des règles ou des situations des fois qui peuvent être compliquées et elles n'arrivent pas forcément à s'exprimer auprès d'un public masculin, à contrario du public féminin qui va peut-être leur apporter une autre vision des choses et peut-être un peu plus d'affection ou dans le relationnel un peu différent de ce que va apporter l'entraîneur ou l'homme en fait. Qu'est-ce que vous pensez de Corinne Jack, sélectionneuse de l'équipe de France féminine qui a entraîné l'équipe de foot de Clermont? Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette dame? Si on la connaît d'ailleurs déjà. Ben. Parce qu'il faut être spécialiste déjà dans le foot féminin en plus. Oui, c'est vrai, si on la connaît, mais en tout cas, ça avait défrayé un petit peu la chronique parce que justement, c'était la première à devenir, avant maintenant d'entraîner l'équipe féminine, mais une équipe masculine de football, ce qui personnellement, je trouve qui est plutôt une bonne chose. C'était Clermont Foot. C'était Clermont Foot, donc en Ligue 2, mais qui avait surpris tout le monde et peut-être bousculé justement l'ordre des choses. Sport très masculin. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Et moi, je voulais aussi rebondir sur la question du déficit numérique, de la différence numérique qu'il y a entre femmes et hommes diplômés avec le diplôme d'entraîneur. À quoi est-ce que vous l'attribueriez ça? Quels sont les critères? Est-ce que c'est l'environnement social? Est-ce que c'est la vocation qui explique cette différence, en somme toute, qui est énorme entre les hommes et les femmes diplômés? Je pense que les hommes aiment entraîner. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui leur plaît. On trouve moins de femmes effectivement en tant qu'entraîneur. Alors moi je connais à Foromeu l'entraîneur du pôle espoir, voilà, Anne Riff, donc qui est quand même dans la natation un grand nom des entraîneurs de natation et qui a su voilà s'imposer dans ce qu'elle faisait et montrer aussi qu'une femme avait les compétences pour pouvoir entraîner du haut niveau et faire partie de ce monde-là. Mais je ne sais pas après si c'est une question de vocation ou justement de non-possibilité de passer le diplôme ou quoi, mais je pense que c'est à la base quelque chose de très masculin qui commence à se développer justement chez les femmes. Moi, je pense que les femmes entraîneurs, c'est tout simplement une question de tempérament, parce que c'est quand même, moi je pense, je parle de la natation parce que on y est dedans, mais je pense que c'est pareil dans tous les sports. Le monde de l'entraînement, le monde du sport, c'est, je pense, un monde très machiste, et des femmes qui s'imposent dans ce monde-là, je pense que c'est très difficile. Notamment, je pense à Anne Riff, qui est une dame très respectable, mais qui a un caractère bien trempée. Elle ne s'est jamais fait marcher dessus par aucun de ses collègues masculins. Elle est réputée pour ça. Elle est réputée pour ça. Je pense aussi à l'entraîneur de Axel Raymond. Oui. Qui est aussi une femme avec un fort tempérament. Je pense que pour s'intégrer dans ce monde-là, faut partir déjà avec un gros sac à dos et se dire en face de moi, je vais avoir des mecs qui vont vouloir tous me bouffer. Donc c'est un peu... un peu cru ce que je dis, mais c'est vrai aussi. Et puis je pense que les hommes sont plus, j'ai l'impression que j'ai, sont plus passionnés par le sport que les femmes. J'ai l'impression. Il y a beaucoup d'hommes qui suivent le sport. Qui suivent le quotidien du sport, non pas que leur sport, mais vraiment la totalité des sports. Donc c'est vrai que je suis d'accord avec Fanny. Alors que les femmes, je pense moins. Et est-ce que Anne Riff, justement, elle est appréciée par les autres entraîneurs? Je pense, ouais. Mmh. Ouais. Ouais. Mais justement, je pense qu'elle est appréciée. Non, moi je. Moi je n'ai pas d'entraîneur. Toi, tu l'as connu plus, Anne, Margot? Non, moi j'ai eu Richard, donc son collègue, comme entraîneur, mais on n'est pas dans le milieu des entraîneurs, donc c'est vrai qu'on ne peut pas trop savoir non plus, mais de l'extérieur, ça ne paraît pas, quoi. Non. Il ne paraît pas y avoir de tension, et je pense qu'au contraire, peut-être qu'à Foromeu, c'était assez complémentaire, justement, le travail homme-femme, justement. Enfin... Tant mieux, justement, c'est pour savoir, justement, s'il n'y a pas des conflits à cause de ça, s'il n'y a pas dû un peu trop s'imposer, peut-être trop vouloir montrer que. Et tant mieux si, justement, c'est bien passé et que ça s'est fait naturellement. Non, je pense pas qu'elle a voulu trop s'imposer, mais elle a fait ça bien, parce que moi, ça... Enfin, je trouve que c'est hyper difficile de faire ce qu'elles ont fait, parce qu'elles sont plusieurs, et c'est très respectable, je trouve. Donc Okay. Je vais passer à une autre question au niveau de la mixité, on en a parlé dans l'introduction, et donc on disait, donc excepté en gymnastique, tous les autres sports sont dominés par la présence des sportifs de haut niveau masculin. Du coup, quelques sports sont quasiment en égalité parfaite, comme la natation. Justement, où il y a 133 sont des nageurs, donc, et 124 sont des nageuses, malgré toujours un petit déficit au niveau des nageuses, justement. Comment expliquez-vous qu'en natation, par exemple, c'est l'un des rares sports où il y a quasiment une parfaite mixité, que dans des sports comme le handisport, la voile, le rugby, le cyclisme, soit quasiment dominé à 80% par des hommes? Peut-être même le VTT, je ne sais pas ce qu'il en est pour le VTT, s'il y a quand même beaucoup d'hommes par rapport aux femmes. Oui, dans le VTT, oui, ça en fait partie, le VTT trial particulièrement. Je pense que sur une Coupe du Monde, on a une vingtaine de filles pour à peu près 120 garçons. Ouais. C'est ridicule, mais ça évolue parce que l'année où j'ai commencé, on devait être sur une Coupe du Monde, être à 12. On était directement en finale. Donc la première, on faisait une course et celle qui gagnait remportait la course. Depuis 2015, ça a évolué. Avec ma génération, il y a beaucoup de filles qui sont arrivées. On passe à une vingtaine environ à chaque fois, sur chaque Coupe du Monde, au championnat du monde aussi. Lucie, qui est l'Union Cycliste Internationale, nous a mis des demi-finales en Coupe du Monde. Donc on doit se qualifier pour entrer dans le top 6 et rentrer en finale. Où là, on doit se mettre des conditions encore plus dures que les masculins, je suppose. Pour, au niveau des compétitions, peut-être. Peut-être qu'il y a moins de place et... Non, c'est pareil. Sincèrement, là, c'est pareil. Et les hommes aussi, ils doivent faire des quarts de finale, des demi-finales et des finales. Et Lucie, cette année, a surtout voulu ce qui est l'égalité des prize money. Oui. Les filles et les garçons, ça y est, maintenant, on a les mêmes prize money. Comme au tennis, du coup. Et c'est vraiment un énorme pas parce que ça en fait partie du sport. Puis aussi. Ça va attirer. Qu'on soit... oui. Ouais. Ça va attirer parce que c'est vrai que le sport féminin est quand même... ça sera peut-être dit après, mais... beaucoup moins médiatisé, donc l'argent fait partie, je pense, fait partie aussi du fait que le sport féminin ne soit pas plus développé que ça, parce que ça nous permet pas de gagner notre vie, quoi. Et du coup, au niveau de, par exemple, vous, les nageuses, comment vous l'expliquez justement qu'il y ait cette mixité un peu plus que dans d'autres sports ? Notre sport, c'est pas un bon exemple, parce que moi je trouve que la natation, déjà, c'est pas dans l'élément naturel de l'homme. Ouais. Donc je pense que beaucoup de parents mettent leurs enfants à la piscine très jeunes. Comme moi, j'ai commencé à nager, pour apprendre à nager, pour éviter d'être angoissé quand on va à la piscine, quand on va à la mer. Donc évidemment, beaucoup de parents demandent à leurs enfants d'apprendre à nager et petit à petit, ils s'y mettent ou pas. Et peu importe le sexe de l'enfant. Après, moi, je trouve que les autres sports, évidemment, par exemple le rugby, évidemment, le rugby féminin, c'est bien dommage, mais on en parle peu parce qu'elles sont, je pense, moins nombreuses. Comme tu l'as dit tout à l'heure, elles sont moins nombreuses parce que c'est un sport vachement masculin. C'est des sports... je pense que les sports où les femmes sont moins médiatisées, c'est là où... la représentation de la force de... Ça a pas marqué, quoi. Les sports de combat, ou peut-être les sports plus dangereux. C'est des sports de contact, visuellement très masculins. Ça rapporte à la violence, ça rapporte à... Et c'est vrai que je pense qu'il y a le cyclisme, je sais pas. Je pense que les parents aussi, ça fait partie du jeu. Je sais que... Oui, c'est vrai que c'est important. Pour pratiquer des sports extrêmes, les mamans, elles sont pas toujours d'accord avec nous, avec ce qu'on veut faire. Et donc, ça pousse pas forcément les filles, déjà, que... Je dirais qu'on n'a pas plus d'appréhension, mais qu'on habitue toujours plus à avoir plus peur que les garçons. Et que ça ne nous aide pas trop non plus, que derrière, on ne nous pousse pas Après, il y a aussi comme les garçons. Des préjugés, justement, peut-être le rugby. On se dit, c'est un sport de garçon. C'est totalement ça. C'est, peut-être vaut mieux pas que tu en fasses, vaut mieux que tu fasses justement d'autres sports. Peut-être, après, il y a toujours le préjugé, genre on est un garçon, on fait des sports physiques, on est une fille, on fait des sports plus souples, comme la danse, quoi que ce soit. C'est vrai que ces préjugés-là, peut-être qu'ils ont un peu la vie dure encore en ce moment. Quoi. Mais que pensez-vous de la médiatisation de la boxe, qui est quand même un sport chez les filles Précise, quand même, chez Dimitri. Oui, parce que nous avons eu des multiples championnes du monde en boxe, et je crois que c'est un des sports chez les filles qui connaît une certaine médiatisation. Je peux parler aussi d'un sport qui est très connu aux États-Unis, comme le MMA. Je ne sais pas si vous connaissez Mademoiselle Ronda Rousey, qui est une véritable icône MMA. Donc médiatique, donc qui fait un sport, on va dire supposé violent, mais qui perce au-delà de son sport, quoi. Est-ce que c'est important justement pour vous ces genres de personnes pour le sport féminin? Ah ouais, carrément. Oui. Parce que justement, ça casse image limite, les filles, c'est des princesses, tout est rose, tout est machin. Une fille, ça peut se battre. Une fille, ça peut se battre. Une fille, il y a des... je ne connaissais pas la demoiselle. Ronda Rousey. Je connaissais, par exemple, une Estelle Mosselli qui est à Rio. Je trouve que ça, c'est un bon exemple. Et ça, c'est des ondes positives, quoi. Oui, c'est vrai qu'au JO de Rio, ça a été des bons exemples avec Estelle Mosley ou encore Sarah Ouramoun. Aussi. Oui, Robert Michon, effectivement, lancé de disque. Donc, je pense que le sport féminin, en tout cas aussi, a besoin de se trouver des... Enfin, avoir en tout cas des repères et des personnes capables, à la fois par leurs résultats et aussi leur prise de parole, un petit peu comme ce que vous faites ce soir, et qui soient capables de casser un peu ces codes et les clichés dans le sport pour pouvoir porter vraiment un nouveau message et autre chose. Et c'est vrai que finalement, c'est une bonne nouvelle de le voir. On voit aussi que dans certains sports collectifs, notamment le rugby, qui est associé à un sport relativement violent, les clichés ont la vie dure et que c'est difficile de s'imposer. Que dans d'autres sports, comme le cyclisme aussi, c'est quelque chose qui a eu du mal à se mettre en place. Il y a des courses maintenant qui se mettent en place aussi, je pense, autour du Tour de France, où il y a la course by le Tour pour les féminines, mais c'est qu'une petite pierre à l'édifice. Hein. On est bien loin d'une organisation aussi importante que serait celle du Tour de France. Mais voilà, le cyclisme aussi en est un bon exemple, avec les performances qu'avait pu faire dans les dernières années Pauline Ferrand-Prévot ou encore Julie Bresset, d'ailleurs, qui revient à la compétition. Et je pense que ces icônes, à la fois en France ou à l'international, ont aussi un rôle à jouer, un rôle majeur pour essayer de développer le sport féminin. Pour terminer, et arrêter de faire des énumérations de noms, mais ça me vient à l'esprit, je pense aussi éventuellement à quelqu'un comme Laura Flessel, qui a pu être porte-drapeau et qui est devenue ministre des Sports. Je pense que c'est des modèles aussi pour toutes les sportives de haut niveau et dont il faut vraiment s'inspirer. Et en tout cas, que les sportives n'hésitent pas à parler de leur sport et de leur pratique pour arriver à casser ces codes dans le futur. Quoi. Je voudrais savoir, quelle a été pour vous votre source d'inspiration sportive qui vous a, au féminin, qui vous a donné envie de pratiquer un sport, une icône pour vous, même si en dehors du sport? Alors, moi, dans mon club, quand j'ai commencé par du VTT normal et on avait une charmante jeune demoiselle du nom de Lucie Miramon qui habite mon village aussi, qui en 2002 a été vice-championne du monde de VTT trial. Et c'est elle qui a commencé à me mettre sur le vélo sans selle, voilà. Qui m'a expliqué les premières fois comment on bouge le vélo, tout ça. Et c'est petit à petit, ça m'a vraiment plu. Et puis derrière, on regarde des vidéos, et puis on regarde les grands faire, et puis ça plaît, et on veut faire comme eux. Alors voilà, et ben on continue, et on s'acharne. Donc ouais, moi ça a commencé par une fille, ouais. Moi aussi ça a commencé par une fille. C'était, elle s'appelait Roxana Maracineanu. C'était une nageuse de dos, donc une dosiste qui a été championne du monde en 2005-2006. Oui, il y a un moment déjà, je ne sais plus quand exactement. Et c'est vrai que c'est la première fois, enfin, j'étais gamine quand je lui ai adressé la parole. Et c'est grâce à ça que je me suis mise vraiment dans la compétition, en fait. Bon, moi, j'aurais une dernière question peut-être à vous poser. Dispose-t-on d'ailleurs, on en parlait juste un petit peu tout à l'heure, des mêmes encadrements pour se dépasser d'ailleurs dans le sport? On parlait de la performance. Par exemple, on sait que dans le football, par exemple, les féminines n'ont pas le même encadrement, peut-être le même terrain que les masculins. Est-ce que, la natation, je ne sais pas si... Je pense que c'est un mauvais exemple, étant donné que je pense que vous avez les mêmes bassins, je suppose. On s'entraîne dans les mêmes lignes, ouais. Mais est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est compliqué pour le développement féminin de ne pas avoir les mêmes... peut-être même le même staff, le même cadre? Ou je sais pas si... Ou alors que peut-être pas du tout... Pas les mêmes moyens. Ouais. Je pense que c'est... Ça se sent au quotidien, ça? Ben, moi, c'est tout con, mais j'ai fait du covoiturage il n'y a pas longtemps avec une rugby woman, justement, du MRC, qui me parlait, en fait, de ses conditions d'entraînement, qui faisait la comparaison avec les pros du MHR, et qui me disait, mais de toute façon, on n'a pas les moyens financiers aujourd'hui. Le stade, elle me l'a dit, le stade est très bien. On pourrait avoir des conditions idylliques ici, sur Montpellier, mais on ne nous donne pas les moyens financiers pour le faire, parce qu'elles travaillent toutes, elles sont toutes amatrices encore aujourd'hui. Et c'est vrai que... Et pourtant, Montpellier est une des meilleures équipes championnat, voire la meilleure équipe championnat actuellement. Et je sais que les jeunes qui sont les jeunes joueuses de l'équipe, elles touchent que 150 euros par mois. Les autres travaillent ou sont en études ou sont. Elles ne sont pas considérées comme professionnelles, c'est ça qui fait que. Le signaler d'ailleurs, parce que derrière notre amour pour le rugby avec Paul, je crois que c'est d'ailleurs le seul sport collectif, en tout cas justement, qui a une médiatisation aussi importante, comme le pourrait être le football, le hand ou autre, qui dispose seulement de contrats semi-professionnels et encore qui sont très rares. Exact. Ouais. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure pour le salaire. Et là, on parle des sports collectifs, mais les sports individuels, c'est encore. On en est encore loin, quoi. C'est vrai que. Après, nous, il n'y a pas de. Nous, l'avantage, c'est qu'on n'est pas vraiment différencié des garçons, en fait. Non. Pour ce point-là. C'est au résultat. Moi, la seule fois où je me suis rendu compte que on était un peu en marge, c'était par exemple quand on est parti avec Margot à Rio et que le staff était composé à 100% d'hommes. Mmh. Et que dans le staff médical ou autre, il n'y avait pas de femmes. L'année d'avant, il y avait une kiné qui était une femme qui était venue avec nous au championnat du monde à Kazan. Il y avait également une autre femme qui était là pour justement l'encadrement de l'équipe féminine qui n'était pas là à Rio. Donc là cette année-là, je me suis dit il n'y a pas de féminine dans le staff. Ouais. Je vais poser une question assez bête à l'encontre des différentes fédérations dont vous pouvez dépendre. Est-ce qu'il y a au niveau fédéral des quotas qui ont été instaurés par rapport à la présence de femmes ou pas ? Je sais qu'en sauvetage, pas du tout. Rien du tout. Parce que c'était en pourparler, mais ça n'a pas débouché. Donc, Nous non, mais la fédé de vélo, cette année, ils veulent vraiment, depuis déjà plusieurs années, faire évoluer le cyclisme féminin. Je sais que nous, à l'équipe de France de vélo trial, on a une marraine de l'équipe de France qui est Magali Potier, championne du monde de BMX Race en 2012, qui a participé au JO aussi en 2012. Elle est allée jusqu'en finale, je crois. Et elle est là sur tous nos déplacements avec l'équipe de France et c'est vraiment appréciable de l'avoir avec nous. On a aussi Emeline Rago qui est notre kiné de l'équipe de France et c'est super d'avoir une femme avec nous et pas toujours que sur tous les kinés il y a un rapport avec le corps, que ce soit pas qu'un homme et qu'on puisse aussi discuter de tout ça avec une femme et qu'ils nous comprennent. Surtout que c'est des femmes qui ont été à haut niveau. Emeline Rago aussi, elle a été championne du monde de vélo de descente à multiples reprises, 60 podiums en Coupe du Monde. Donc autant sur le côté féminin que sur le côté haut niveau. On peut discuter avec elle et c'est un grand pas. Et après, ça fait une différence. Une légitimité qui s'impose en plus. Ouais. On va terminer là-dessus parce qu'on va surtout parler des inégalités salariales, qui est un gros sujet également. Avant ça, on va faire une petite pause musicale avec le titre Easy de Dragonette. You love me like a bull in a china shop. Why do I stay if one day you break my heart? Oh, it's easy, hard as it looks. Ask me how I never came with other guys. Other guys with nicer rides and better stuff. Ooh, easy, hard as it looks. De retour sur Sport & Chill, c'était le titre Easy de Dragonette. On passe tout de suite à l'interview. Sport & Chill, l'interview. L'interview Chill. D'ailleurs, on remercie Tim qui n'est pas avec nous mais qui nous a donné ces deux titres. J'ai dit des titres avec une voix féminine pour aller de tout au tout. On fait totalement féminin du coup. On va passer du coup donc aux inégalités salariales. On remercie aussi Fanny d'être venue avec nous. Elle a dû partir du coup tout simplement. On lui remercie du coup d'être venue avec nous. On va passer donc aux inégalités salariales et donc c'est un vieux combat d'ailleurs les inégalités salariales, pas forcément que dans le sport. Donc sans doute le plus rude sur le terrain du sport, mais certaines disciplines sont en passe de le gagner. C'est le cas du tennis où les vainqueurs donc féminins et masculins de Roland-Garros ou même des autres grands chelems du coup empochent la même somme qui est donc à Roland-Garros par exemple de 2 millions d'euros. Donc c'est exactement le même prize money, on en parlait tout à l'heure. Donc même si dans le tennis le circuit sport est le sport le plus inégalitaire, puisque au niveau des salaires entre les meilleurs et les moins bons, on va dire ceux qui débutent dans le tennis, c'est là où il y a le plus d'inégalités. Mais bon, ça c'est pas un débat entre justement femmes et hommes. Une enquête du Midi Libre donc faisait en 2017 une comparaison des salaires en France. Au volleyball par exemple, 3500 euros pour les hommes, 2500 pour les femmes. Donc là c'est peut-être là où il y a le moins de disparités. Au basket par exemple, 11 000 contre 4500. Au hand, 6900 contre 2800. Au rugby, là c'est le pire peut-être, 17 000 contre le niveau amateur, donc rien du tout. Au football, je veux dire peut-être le pire, non c'est là peut-être le pire, entre 50 000 et 3 000. Et au tennis, on va parler 2 millions. Mais il faut savoir que les tournois un peu plus petits, les ATP 250, 500, etc. ou 1 000, là il y a toujours une différence. C'est que les grands chelems qui ont le même prize money d'ailleurs. Donc la première question, c'était la médiatisation, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Est-ce que selon vous, c'est l'une des causes d'inégalités salariales, pardon, étant donné qu'on diffuse tout de même beaucoup plus de sports masculins du coup? Du coup, plus de droits télé pour le sport masculin et du coup, une égalité salariale qui se crée. Bah, comme on dit, les inégalités aujourd'hui, elles sont principalement pour moi dans les équipes, justement les sports d'équipe et les sports pro. En natation, on ne le retrouve pas parce qu'effectivement, la natation est médiatisée de la même façon chez les hommes et chez les femmes. Donc, on voit la même chose en fait lors des représentations et lors des présentations télé, on voit aussi bien les hommes que les femmes. En tennis, on voit beaucoup je prends l'exemple de Roland-Garros, mais on voit également les hommes et les femmes à juste titre et de la même façon. A contrario, les sports d'équipe, oui, la médiatisation du volleyball, faut aller sur Buin et encore une fois de temps en temps. Le rugby, c'est une fois de temps en temps pareil à la télé. Il y a des sports qui poussent un peu comme le foot forcément, puisque c'est un sport très populaire et du coup on voit. Et puis il y a de plus en plus de licenciés féminines en foot aujourd'hui parce que il y a beaucoup le cliché de homme-femme et pour moi c'est dans le foot qu'il se réduit le plus aujourd'hui parce que il y a énormément de gamines aujourd'hui qui veulent faire du foot et les parents acceptent parce que justement le foot est vecteur de socialisation et de partage avec les parents justement donc. Je pense que ouais. Est-ce que vas-y, je t'en prie. Yassine. En fait, oui, je voulais juste souligner le paradoxe parce que quand on compare les droits télé des compétitions féminines et masculines, il y a un écart abyssal en termes de montant télé. On parle de millions et de millions, voire de milliards pour des compétitions de foot ou de rugby, tandis qu'au final, pour des droits télé féminins, ça serait beaucoup plus facile pour des chaînes publiques de les acheter et donc par là même de diffuser des sports féminins, ce qui n'est pas le cas. Et donc, il y a un gros paradoxe aussi qui a été relevé ici. Après, c'est, je pense que c'est une question de politique des dirigeants et des chaînes télé, en fait, parce que nous, on ne peut pas agir dessus en tant que sportif. C'est aux politiques, justement, de travailler, de faire en sorte de pouvoir mettre en avant ce sport féminin. Et je pense que ça changera les choses, effectivement, de le médiatiser de plus en plus, ce qui aujourd'hui commence à être le cas. Et on verra une différence à partir de là, oui, je pense. Bah effectivement, je voulais souligner sur les, en termes de chiffres, on le voit clairement sur la médiatisation entre l'écart hommes-femmes. Je sais qu'en 2012, on était à 93% de diffusion de sport masculin face à seulement 7% pour le sport féminin. Donc c'était vraiment très très faible en France. C'est quelque chose qui s'améliore parce que je crois qu'en 2014, donc seulement 2 ans plus tard, mais c'est vraiment dans les dernières années où il y a de la progression, on est revenu maintenant à 85%. Mais ça fait vraiment pas longtemps qu'on en parle. Et il y a peu de sports effectivement, et notamment en sport collectif, on le voit, où ça passe vraiment beaucoup à l'antenne, quoi. Je crois qu'il y a un truc qui joue beaucoup aussi, c'est les réseaux sociaux. Ça fait vraiment partie de la médiatisation des sports. Et dans les sports extrêmes, c'est surtout ceux que je connais, le cyclisme, le BMX freestyle, le trial, le vélo de descente, le vélo tout court. Ben, c'est le public, ils aiment bien regarder les trucs qui impressionnent, les trucs inaccessibles, ce qui fait vendre du rêve. Et ben, malheureusement, c'est souvent les hommes qui les réalisent. Par un simple souci physique, quoi, parce qu'ils peuvent tirer plus sur le guidon, qu'ils ont plus de force pour s'envoyer en l'air, de puissance. Et ben ça, et qu'est-ce qu'on y peut ? Et ben pas grand-chose, hein. Ça c'est le choix du public, et voilà, quoi. Mais effectivement, elle parle des réseaux sociaux, mais aujourd'hui il y a une surfeuse qui s'appelle Justine Dupont et qui est la seule femme aujourd'hui à avoir surfé la vague à Nazaré. Donc 26 mètres, une vague de 26 mètres de haut. Et effectivement, grâce aux réseaux sociaux, elle est aujourd'hui ultra populaire dans le monde du surf. Et elle en vit très bien. Mais ça revient encore une fois à des icônes qui permettent de marquer le sport et qui du coup vont développer justement la discipline en question. Et je pense que c'est nécessaire aujourd'hui pour pouvoir développer certains sports. Et ça pour amorcer aussi la cote de popularité de certaines disciplines. Oui, oui. C'est primordial. Parce que jusqu'à l'année dernière, surfer 26 mètres de haut pour une femme, c'était impossible. Elle a fait le challenge de se dire « oui, moi je vais aller surfer cette vague-là ». Et ben depuis, tout le monde va aller surfer cette vague-là. Enfin, c'est vrai que... Et aussi, surtout par rapport à la boxe, où c'est aussi l'enjeu de montrer que le contact n'est pas une exaltation de la virilité seulement, mais aussi quelque chose totalement à la portée des femmes. Et en témoigne l'exemple d'Estelle Mosley, qui a été médaillée d'or à Rio. Donc c'est très important. Je voulais parler d'une autre cause peut-être, on parlait de la médiatisation, mais ça peut être aussi le sponsoring. Est-ce que vous, en tant qu'athlète, donc que sportive, est-ce que c'est pas plus dur de trouver des sponsors chez les femmes ? Et justement, le sponsoring, c'est quand même quelque chose d'important dans le salaire, puisque chez certains sportifs, ça prend une part importante du salaire global. C'est pas facile. Après, je pense que le sponsoring va se faire au niveau des résultats et des performances que vont faire l'athlète, que ce soit homme ou femme. Et surtout, la façon dont va être entouré l'athlète qui va faire qu'il va réussir à avoir différents sponsors. J'ai 2-3 exemples en tête, mais on prend l'exemple de Flora Manoudou et Camille Lacour qui ont été championnes du monde et champions olympiques. À juste titre, Yannick Agnel a été champion olympique également. Voilà, il n'avait pas autant de sponsors qu'ont eu Florent et Camille. Donc c'est aussi comment ils ont été entourés et comment ils ont été amenés à obtenir ces sponsors-là, alors que Yannick aurait pu très bien en avoir, quoi. Mm. Et on parle du physique, voilà. On parle justement de l'entourage. Justement, je voudrais savoir l'entourage de sportifs. Je pense par exemple aux parents. Et je pense, par exemple, en VTT, est-ce que vous avez des agents, par exemple, comme les footballeurs ou les basketteurs ? Parce que j'ai un exemple qui me vient. Adrien Rabot est managé par sa mère, je crois, qui est son agent. Donc je voulais savoir si, par exemple, toi, est-ce que tu as un agent attitré ou c'est un avocat ou c'est les parents qui... C'est un peu moi, c'est un peu maman, on se débrouille un peu comme on peut, ouais, c'est un peu la jungle encore. Et je pense dans le milieu du trial, il n'y a pas grand monde qui a un agent, non ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas grand monde qui a un salaire tiré du vélo, hein. Enfin, au niveau féminin, il n'y a personne. Même la championne du monde, qui est hyper talentueuse, il n'y a rien. Elle a les vélos gratuits et elle se débrouille pour payer ses déplacements. Donc c'est là où le sponsoring est peut-être très important, le sport. Comme, Puis il mérite d'être développé avec justement des athlètes comme ça qui sont quand même champions du monde et qui... Donc déjà, il y a les inégalités entre les sports, puis en plus, une inégalité entre les sexes d'ailleurs. Donc c'est vrai que ça doit être compliqué en effet. Après, encore une fois, les réseaux sociaux, ça compte beaucoup parce qu'il y a beaucoup de sports où plus on a de followers, et plus on est payé. Et donc, c'est un problème sans fin, quoi. Enfin, c'est abonnez-vous sur Instagram, alors, du coup. aussi, mais bon. Du coup, peut-être l'image est très importante maintenant dans le sport pour essayer d'avoir plus de salaire, du coup. Une autre question, peut-être parler de l'après. Justement, on parlait de ça, peut-être qu'il n'y a pas de salaire, mais justement, on parle peut-être pas des retraites tout de suite, mais de la reconversion qui arrive plus tard. Parce que je sais que chez les femmes, peut-être la reconversion est encore plus compliquée, puisque justement, on gagne moins d'argent. Du coup, peut-être on est obligé d'aller travailler après, contrairement à des sportifs peut-être masculins qui ne sont pas obligés d'aller travailler. Mais on ne va pas travailler qu'après. On travaille en même temps. Ouais, voilà. On est obligé. Enfin... On parle de sport amateur en rugby tout à l'heure. La moitié de l'équipe soit finit ses études, soit travaille. Je sais que Caroline Bougeard travaille en partenariat avec Decathlon. Elle a un quota d'heures à faire là-bas en dehors du rugby. Donc c'est vrai que non, on travaille. Enfin, moi personnellement aujourd'hui, j'ai toujours continué les études et aujourd'hui je travaille sur Montpellier pendant la journée et après être m'être allée entraîner tous les matins. Donc c'est vrai que le sport féminin aujourd'hui ne permet pour très peu de femmes en tout cas permet de faire ça de façon professionnelle. Comment selon vous d'ailleurs on peut rattraper ce retard d'ailleurs entre les inégalités salariales? Est-ce qu'il y a une formule magique ou pas du tout? Est-ce que ça se joue sur quelle chose? Est-ce que c'est la médiatisation, sponsoring, autre chose? Beaucoup de bonne volonté, je crois, de la part de tout le monde, des politiques, des employeurs, un peu tout le monde. Et après, je pense qu'il y a certains sports, ça va être très compliqué de les rattraper, notamment le football. Où, évidemment, c'est pas tout de suite que le football féminin rattrape le sport masculin parce que y a déjà un processus qui s'est engagé de sponsoring, comme tu disais, où les droits télé sont inestimables. Et avant de voir justement un droit télé équivalent à celui des hommes pour les femmes, ce sera pas pour tout de suite, malheureusement. Malheureusement. Et parce que justement, les sponsors cherchent là où ils savent que les gens vont regarder. Et malheureusement, le sport féminin n'est pas encore assez visible, comme tu dis. Et c'est ça qui entraîne, je pense, ce retard-là. Et ça va être compliqué, malheureusement, pour certains sports de le boucher. Après, au niveau individuel, je trouve que c'est différent. Au niveau individuel, on a une médiatisation qui est supérieure, je trouve, en tout cas au sport féminin. Oui. Même si le foot, le rugby, le basket, le hand, qui sont les sports majeurs, si je peux dire, limite la casse, mais le tennis, le ski, la natation, je trouve le pentathlon, la natation, voilà, exactement. Ils sont équivalents ou presque, en tout cas, aux disciplines masculines, aux masculins. Donc, et dans les disciplines individuelles, notamment toutes les disciplines olympiques. Donc, je pense qu'il y a un défi aussi pour les sports qui ne sont pas olympiques jusqu'à présent à le devenir et à faire en sorte, peut-être quasiment dès le début, que athlète féminin et athlète masculin soient reconnus avec la même visibilité et le même niveau de sponsoring, bon, même si c'est très difficile à avoir. Mais par exemple, j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne chose de s'être rendu compte pour les derniers Jeux Olympiques. C'était le cas à Rio et là, ça a été le cas aussi aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. Globalement, en tout cas, c'est ma perception qu'on a vu autant les athlètes féminines et les athlètes masculins et autant aussi mis en avant tout au long de la compétition. Oui. Et pour ce qui est de la visibilité aussi tout au long de la saison. Alors malheureusement, ce sont par exemple pour ce type de sport des chaînes privées et pas publiques, ce qui ne permet pas la même visibilité. Voilà. Mais on a les compétitions féminines et les compétitions masculines, en tout cas, sont, par d'autres médias que je ne citerai pas là, sont diffusées. Est-ce que vous avez d'autres questions pour les chroniqueurs pour terminer ou pas du tout? Non? On va remercier nos invités parce que il est justement parfait l'heure d'avoir répondu à nos questions. Très intéressant comme toujours, évidemment, sur les inégalités salariales, mais aussi sur le sport en féminin en général. Et c'est une affaire à suivre, malheureusement, qui, on espère, va se développer de plus en plus. Mais C'est vrai que c'est encore Oui. J'aurais une toute dernière question à poser quand même. Excuse-moi. Je t'en prie. Non, que pensez-vous de, justement du hashtag MeToo et balance ton poids? J'aurais aimé avoir votre avis sur ce sujet. C'est bien, tu fais une bonne question. Voilà, non, mais c'est intéressant. Mais créer de la polémique. Vous parlez du staff qui est essentiellement masculin et avec le hashtag balance ton poids, pour rebondir ce que tu dis, est-ce qu'il y a dans le sport justement des événements qui se passent des agressions, en tout cas, agressions sexuelles. Bon, c'est un peu compliqué peut-être d'en parler, je ne sais pas pour vous, mais est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup plus d'hommes que de femmes dans le staff, par exemple, ça provoque ce genre de situation? Je pense que oui. Oui, il y a des abus? Je pense qu'il y a des abus, oui. Et il y a déjà eu des histoires d'abus, notamment dans le tennis, on en a déjà entendu parler, dans la natation. C'est vrai que principalement dans les sports individuels, justement, où la relation entraîneur-entraîné est quand même très particulière, l'entraîneur a forgé la gamine, entre guillemets, qu'il a en face de lui. Et oui, c'est assez important dans le monde du sport, oui. Très bien. Bon, on va terminer là-dessus, sur cette question conjointe de Dimitri et de Paul. On remercie encore une fois donc Fanny qui est partie, Maëlys, Justine et Margot d'être revenues ce soir et de nous avoir parlé sport féminin. On vous remercie. D'ailleurs, merci à vous en tout cas. Merci à vous. Si vous voulez rester, bon là, on peut vous libérer. Si vous voulez rester participer au quiz, c'est avec plaisir d'ailleurs. Un quiz spécial sport féminin tout de suite. Je suis sûre que Margot avait quizé. Ah oui. Bien sûr. Peut-être mon premier mot. T'es la bienvenue, bien sûr. Allez, on passe tout de suite au jingle quiz. Sport and chill, le quiz. Du coup, donc, on va faire un quiz en deux parties. Quiz spécial donc sport féminin française et quiz spécial sport féminin donc mondial. Du coup, il va y avoir environ une quinzaine de questions. Et puis, il y a différents types de questions. Il y a questions rapidité, donc le premier qui trouve a le point. Et des questions aussi tour de table. Chacun à son tour pourra répondre. Je fais peut-être Dimitri et Paul ensemble, si ça ne vous dérange pas. Bien sûr, faisons ça. Qu'est-ce que je vais faire comme gros donc, chez... Vous voulez être à trois ensemble, du coup? Ou, Je suis pas sûr qu'on soit très calé. Hein. Ouais, on va vous mettre trois ensemble, du coup. La team des nageuses et VTT, et dernièrement, on va faire Romain et Yacine. Ça vous va? On est prêts. Alors, on va faire une question en rapidité, du coup, pour la première. Et vous inquiétez pas, il y a des questions de natation aussi. Fait gagner. Notre première question, donc, c'est rapidité. Quelle joueuse de l'équipe de France de football détient le record, d'ailleurs, de nombre de buts marqués avec 81 réalisations? Amandine Henry, non? Non. Marinette Pichon, exact. Qui a pris sa retraite, d'ailleurs, depuis un petit moment. Je vais mettre point pour Paul Dimitri, il faut que je note bien. Deuxième question, peut-être rapidité également. On change de sport. Quel club français de basketball féminin fut le premier à remporter une Coupe d'Europe? Bourges. Bourges, est-ce qu'on peut laisser parler les autres, s'il vous plaît? J'ai dit rapidité, non? Oui, c'est vrai, j'ai dit rapidité. Deuxième point, donc Bourges, Tango Bourges Basket en 97, qu'elles ont gagné. Également, donc l'année d'après, donc en 98, deux clubs l'ont gagné en France, c'est Bourges trois fois et Valenciennes deux fois. Rapidité, du coup, et là, c'est une question... Qui suis-je? Donc le premier qui trouve. Donc qui suis-je? Né le 10 février 1992 à Reims. Je suis plutôt polyvalente dans mon sport car je le pratique sur plusieurs surfaces possibles. Déjà chez les cadettes en moins de 17 ans, je domine mon sport. Je m'adjuge 4 titres et 2 deuxièmes places en 6 championnats de France. Je progresse rapidement où je gagne également 3 fois le championnat du monde junior dans les années 2000. Ce n'est pas facile d'évoluer dans mon sport car en France, une pionnière qui a tout gagné est difficile à remplacer. Pourtant, je le fais de la bonne manière en remportant... Pauline Ferrand-Prévot? Oui. Pauline Ferrand-Prévot. C'est ça. En effet, en remportant j'attendais en 2014 le championnat du monde sur route. Et puis en 2015, le cyclo-cross et cross-country. Mais le plus de titres que je possède, c'est dans ma triple victoire au championnat du monde de Rolemix VTT. Et c'est Jeannie Longo qui est devant Oui, c'est... Non, ouais. Mais c'est Jeannie Longo, la pionnière. Ouais, ça, du coup, je parlais de Jeannie Longo. Je suis une puncheuse dans ma spécialité. Mon surnom est PFP. Je suis Pauline Ferrand-Prévot. Point. Pour messieurs, question rapidité encore. Non, mais il y a la question de natation qui arrive. Là, vous êtes obligé d'avoir les points. Mais pas encore, tout de suite. quel fut le premier club, et seul club d'ailleurs, de volleyball féminin à remporter une Ligue des Champions? Cannes. C'est Dimitri. Ça va être un point pendant du coup comme... Ouais. Pour mettre tout le monde d'accord. J'ai jamais dit que c'était bon. Hein. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est Cannes, en effet, point pour moi. Paul, du coup, ouais. Qui était plus rapide, ou Dimitri, je vois. Dimitri. Va faire un tour de table. Laure Manaudou, multiple médaillée en nage libre et dos, en comptant donc les Jeux, les championnats du monde et les championnats d'Europe petit et grand bassin, à combien est-elle de médailles? Je vous laisse commencer, messieurs à ma droite. Donc je répète, en comptant les Jeux olympiques, les championnats du monde, les championnats d'Europe petit et grand bassin, à combien est-elle de médailles? Laure Manaudou. Pardon. Messieurs, je vous laisse commencer en premier. Ceux qui ont... Je dirais 8. Je sais pas. Plus? Tu dirais plus? 12. 12. 12, ça te va? Allez, 12, ça vous va alors. Très bien, 12. Les filles? Je dirais 10. Non? Non, vas-y, allez. Ouais. Deux médailles? International. Hein. Donc ouais, le championnat, de, ouais, championnat d'Europe, petit et grand bassin. Ah, championnat d'Europe. Plus Coupe du Monde. Enfin, je peux être du monde, plus Jeux Olympiques. Ah ouais. Ouais. C'est, ouais, c'est titre, tu parles plus, je pense, quand même. Ouais, de titre. Non, de médaille. Médaille en tout. Ouais. Médaille de bronze, médaille d'argent, médaille d'or, évidemment. 14. Ouais, 14. Non, vous avez dit 12. Ouais, ouais, non, mais on ne modifie pas ici. On peut dire 15. 14. Bon, 14, allez. 14. Ça te va? Ouais, allez, 18. La sueur en chair. Je pense qu'il y en a beaucoup quand même. Hein. Vous avez raison, parce que c'est très loin, c'est 37 médailles. Ouais, voilà, mais ouais, c'est, oh là là, ouais, c'est sûr. 37 médailles, c'est multi. Sa carrière, elle a commencé, déjà, le championnat olympique à 17 ans. Il y a des années, enfin, ouais. Non, ouais. C'était sûr. Surtout, donc, je crois que c'est en championnat d'Europe où elle, je crois qu'elle a tout gagné quasiment. D'ailleurs, autre question tour de table, combien de médailles d'or parmi ces 37? Ah, là, peut-être 12, justement. Peut-être 12. 20? Ouais. 20, c'est bon. Ouais, plus, tu dis, toi? 37 médailles en tout, c'est combien ça? Combien tu dis? Allez, messieurs, dépêchez-vous. Dernier. 15. Oui. C'est 20. Ouais. 2. Donc vous êtes le plus proche. Vous êtes le plus proche. C'est combien, du coup? 22. 22 sur 37, c'est incroyable. C'est énorme. C'est énorme. Ouais, c'est quand même énorme. Autre question, donc, quelle nageuse française a remporté 20 médailles d'or aux Jeux paralympiques au cours de sa carrière, dans sa spécialité, donc les paralympiques, c'est quand même impressionnant. 20 médailles d'or, donc 4 à Sarajevo en 84. Elodie Laurenti? Non, une française du coin. Une en 88, 6 en 96, 7 en 2000 et 2 en 2004. Natation? Ouais, c'est... du coup, quelle nageuse française aux Jeux paralympiques? Pardon, d'accord. Non, vous n'avez pas. Si vous séparez, c'est vrai que les Paralympiques, c'est plus compliqué du coup. Ouais. C'est Béatrice, que ce soit compliqué. Béatrice S. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je ne connaissais pas en tout cas, mais 20 médailles d'or, je trouve ça déjà pas mal aux Jeux Paralympiques. Ouais. Plus que. Autre question. Longévité surtout. Une Française Non, on va faire un tour de table aussi. Une Française possède un record olympique en athlétisme. Qui est-ce et quelle discipline? Ouais. Un record olympique en athlétisme. Marie-José Pérec. On va faire un tour de table. 110 mètres. On va dire une temps. Avec dépêchez-vous, messieurs. Marie-José Pérec. Ah, mais non, Jeannie Longo. Là. Non. Les gars, dépêchez-vous, sinon je passe. Qu'est-ce que tu dis? Elle a fait quoi? C'est vrai? Oui, c'est 110 mètres. C'est 400, non? 400 Pérec. Sa première a fait 400 mètres haies, Marie-José Pérec. Non, sa première a fait 400 mètres haies, Marie-José Pérec. Ok. La Olympiade. Ouais, on hésite un peu avec le 110 mètres haies ou le 400. Tu dis qui, toi? Est-ce qu'on peut modifier rapidement? Non, c'est trop tard. Non, trop tard. Vous pouvez nous dire ce que vous voulez dire. Et on bloque. Hein. Donc, du coup, vous dites quoi? Il n'y a pas de licence? Dépêchez-vous. Hein. Bah, Marie-José Pérec avec. Marie-José Pérec avec. Et toi, t'as des murs. 110 mètres haies, je vais dire comme on va pas dire. 110 mètres haies, eux ils ont dit 400 mètres haies, hein, ça ouais. C'est pas deux, Marie-José Pérec. Dépêchez-vous, les gars. C'est 200 mètres. Marie-José Pérec, 200 mètres. 200 mètres. On va mettre point à chacun parce que Marie-José Pérec, mais c'est 400 mètres tout simplement. C'était 400 mètres. Pourquoi on a mis des histoires de près, non, avec 200 mètres. Point à tout le monde. Bah, non, mais. 200 mètres. Non, non. Voilà, record olympique, c'est 400 mètres. Je cherche pas des points. Combien d'or du coup? J'ai pas son palmarès. Je crois que c'est 3 médailles d'or. Cet animateur qui n'a pas les stats. 400 mètres à 48 secondes 25. Voilà la stat. Barcelone et Atlanta. Quelle joueuse de tennis, rapidité, est la plus titrée à Roland-Garros? Amélie Mauresmo. Christine Hénard. Oui. Merde. C'est quiz français. Ah. Elle est belge. Justine Hénard. Oui, je sais bien, mais je pensais que tu attendais une fois. La plus qu'on avait transité. Quelle joueuse de tennis française est la plus titrée à Roland-Garros? Non. Suzanne Lenglen. Suzanne Lenglen. Celle qui porte le stade d'ailleurs, où joue la finale du Suzanne Lenglen. Du deuxième cours de Roland Garros. Et en plus, il y a une anecdote, c'est que à chaque. Non, merci. Merci les gars, ça ira. En quelle année l'équipe de France féminine de handball, on va faire rapidité, a-t-elle été sacrée championne du monde? 2003. Et. Ah, et 2015, non? Non, je sais pas. 2017. 2017 2016. 2018. Non, 2016, c'était les Jeux. Non, 2018 2017. Non, c'était là. Non, 2017. Là. C'était en décembre 2017. Ouais, décembre 2017. Face à la Norvège en finale. Face à la Norvège en finale. Un point pour Yacine, parce qu'il a dit 2017-2018. Non, non, un point pour Yacine, c'est tout. On passe spécial, donc, monde. Lors de quels Jeux Olympiques les femmes ont été, on va faire un tour de table, ont-elles été autorisées pour la première fois à concourir dans certaines épreuves? Attention, une autre question après, attention, qui ressemble. Lors de quels Jeux Olympiques les femmes ont été autorisées pour la première fois à concourir dans certaines épreuves? Attention. Plus tôt alors, sans doute. Ouais, ah bah oui. Allez Maëlys, pourquoi pas? Je dirais 80 avant. Je sais pas. Allez, pas on commence avec les garçons à gauche. 1918. 1918. 1922 ? Est-ce que ça existe, non, 1918 ? Parce que c'est la guerre, donc je pense pas. 1922, alors, ouais. En 22, ouais. En 22 ? En 22, je suis pas sûr que ça existe. Non, il n'y en a pas. C'est 24, 28, etc. 24 ? 24 aussi ? Alors, non, ça veut dire que les premiers JO étaient en 24, non ? Non, les premiers JO, c'est en 1896. C'est pour voir si vous suivez bien le truc. Ben non, c'était plutôt que ça, puisque c'est en 1900 à Paris. Mais du coup, la deuxième question qui ressemble, en quelle année ont-elles pu intégrer les Jeux Olympiques en athlétisme? Ah putain, En quelle année? En quelle année? En 28. Ouais. Je sais pas. 32. 28. 32. 32. Moi plutôt. Dépêchez-vous les gars. Moi je dirais 1920. 1928, Amsterdam. Bravo. En effet. Donc, du coup, 1920, il y en a point. Pour l'instant, Yacine Romain a 4 points. Paul et Dimitri a 4 points. Et la team fille, la team girl, a 3 points. Juste derrière. C'est pas fini. Oh, c'est serré. Loin de là. Lors de quelle édition les JO d'hiver a-t-on pu voir pour la première fois une épreuve de saut à ski féminin? Saut à ski féminin qui est, justement, on en parlait, peut-être l'un des sports où il n'y a presque pas de filles. Aux Jeux d'hiver. 1900. C'est la dernière question avec les dates, hein, vous inquiétez pas. 62. Quoique, non, je sais pas. Il n'y a pas eu 62. Non, vas-y, Dimitri. Je vous aide, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Pas si longtemps ? Il y a 8 ans. C'était les derniers, c'était Sochi 2014, non ? Tu dis Sochi 2014 ? Allez, les autres ? Avec la médaille française de Colin Mattel, je sais. C'était la première ? Sochi 2014. Tu dis pas Vancouver 2010 ? Non, Sochi 2014 aussi, ouais. Pareil. Sochi 2014, en effet, c'était à toute fin. D'ailleurs, je crois que cette année, ça a été enlevé encore, non ? Non, ça y était. Ah, ça y était. Je crois que c'est le combiné où il n'y a pas de femmes. Au combiné nordique, il n'y a pas de femmes. Ah, je voulais faire la question. Point chacun. À la fin, tant pis, je la ferai pas. Dernière question, question à 2 points. Question qui suis-je ? Donc tout le monde peut gagner encore. Né le 17 mars 1997, je suis évidemment toujours en activité dans ma discipline. Je suis né dans la capitale de mon pays, même si je réside notamment à Bethesda. Je commence mon sport très tôt, à l'âge de 6 ans, pour faire comme mon frère Michael. À 15 ans, je suis sélectionné pour participer aux Jeux de Londres, où je gagne la seule course où je suis inscrite. Mon temps est de 8 minutes, 14 secondes et 63 centièmes. C'est ma première médaille d'or olympique. Et non pas ma seule. Non. En deux participations... Les Deki, ouais, je pense. Katie Ledecky. Ça allait la dire, Katie Ledecky. En deux participations olympiques, je suis déjà à 5 médailles d'or et une médaille d'argent. Je ne parle pas de mes championnats du monde où je gagne 4 médailles d'or à Barcelone, 5 à Kazan, 5 à Budapest. Cependant, mes faits de gloire se situent dans mes records du monde que j'ai battus, 400 mètres, 800 mètres, 1500 mètres, nage libre. Record du monde au passage du... Du 1500. Non, 800 au passage. Ouais, 400, 800, 1500. Je suis l'une des plus grands espoirs de mon pays, de mon sport. Et jeune en plus. C'est plus être un espoir. 97. Bah, 97. Ouais. J'ai été nommée à même pas 20 ans 4 fois nageuse de l'année. Mon prénom c'est Kathleen, mais on connaît sur nous, surtout par Katie. Ouais. Je suis Cathy Lideki. Donc je vais mettre point aux filles parce que j'ai entendu le 4. Ouais. Et du coup on a gagné. Ouais, du coup 2 points, ça fait 6 points pour merci, 6 points, 5 points pour Yacine et Romain et 5 points pour Paul et Dimitri. Comme quoi on est galants. On est galants et bravo belle perf. Ouais. On va terminer par les pronostics de la semaine. Il nous reste 5 minutes d'émission. Les pronostics de la semaine, messieurs, si vous avez des pronostics, je vous laisse faire, mais moi j'en ai qu'un malheureusement. Le sport surmédiatisé, évidemment, et sport que tout le monde va parler cette semaine. Je sais pas si vous savez de quoi je parle. Je ne sais pas de quoi tu vas parler. Match de Nice, peut-être. Non, évidemment, je parle le match de Pro D2 de rugby. Peut-être, le pronostic de la semaine, ça sera évidemment PSG contre le Real Madrid. Vu qu'on a fait le match aller, je pense qu'on pourrait faire le match retour du coup. Messieurs, bah, allez-y, si vous voulez parier. 2-0 Paris. 2-0 Paris. Ouais, désolé, désolé Romain. Yacine. 2-1 Paris. 2-1 Paris. 2-1 le Real. 2-1 le Real. Ça, ça me plaît bien, ça. 1 partout. Il y a la fierté française. 1 partout. La fierté française, rien du tout. Supporter du Real Madrid, à la vie, à la mort. Ah, d'accord. Ah, ouais, ok. Super. Donc, il y a Montpellier Real en finale de Ligue des Champions. Tu supportes pas. Comme Yacine, 2-1. Justement, tu fais bien de le souligner. Je suis Montpellierin et pas Parisien. Oh, t'as du filet supporter du Real Madrid. On va arrêter ça maintenant, tout de suite, messieurs. peut-être d'autres pronostics, si vous voulez. Non pas, Yacine, tu les as dit, le tien? Oui, j'avais dit ah, oui, 2-1 c'est vrai, pour Paris. Moi, je donne le mien et il est combien? Moi, les 3-1. Les filles, vous dites quoi, vous? Si vous connaissez... Ton pronostic sera celui de tout le vélo mondial. C'est un gros poids sur les épaules. Allez, au hasard. Je tente quelque chose pas, de alors, foot. Comme je ne vais pas parier, pour pas savoir si j'ai gagné ou pas. Ouais. Oh, voilà. Petit joueur. Suspense, ouais. Moi, je vais le donner le mien. Vu qu'il y a eu 3-1 à l'aller, je donne 3-1 en retour pour Paris. Et au pénalty, du coup tu vois une prolongation, voire pénalty. Exactement. Allez. Et tu donnes un vainqueur? Ouais, donne un vainqueur, s'il te plaît. Montpellier, on va dire ça. Joker. Petit joueur. Joker. Non, du coup, je dis Real. Merci. Pour le vainqueur. C'est bon, tout le monde a donné son pronostic, non? C'est sûr? Pas de pronostic. D'ailleurs, sur les derniers pronostics, il y a eu Clermont La Rochelle, mais on rend caduque vu qu'on avait fait l'inverse. Et le dernier, c'était PSG Montpellier au handball. Un point pour Romain, d'ailleurs, Dimitri et moi, qu'on avait pronostiqué le PSG. Malheureusement. Donc, les remerciements de la semaine, évidemment, à nos auditeurs qui nous ont écoutés. Montpellier Racing, peut-être? C'est match pour la première place? Non, on n'a pas le temps. La question que. Ça non, merci Flo. Non, on a déjà fait la fois dernière, on fera pour la prochaine fois le rugby. Remerciements d'ailleurs aux éditeurs qui nous ont écoutés, j'espère que ça leur a plu. J'espère qu'ils vont un peu plus s'intéresser peut-être au sport féminin prochainement, peut-être regarder à la télé si ça peut faire découvrir des nouvelles choses. À mes chroniqueurs d'être venus avec moi ce soir, je sais qu'ils ont adoré cette émission et aussi à nos invités d'être venus ce soir et d'avoir répondu à nos questions et d'avoir gagné le quiz. En plus, merci à vous. On n'est pas compétitrice pour rien. C'est vrai. En plus, à la touche, vous avez gagné à toute fin. Et je remercie finalement le Krebs, évidemment, de nous avoir accueillis ce soir dans leurs locaux, dans le foyer du Krebs. D'ailleurs, on fait un appel parce que là, je pense que les filles l'ont vu. On n'a que des chroniqueurs et non pas de chroniqueuses à Sport & Chill. Si on peut faire changer les choses et mettre des chroniqueuses qui peuvent nous parler de sport, qui sont fans de sport et qui veulent nous rejoindre dans l'émission. C'est ouvert, d'ailleurs c'est ouvert à tout le monde et donc on serait avec plaisir les recevoir et pourquoi pas tester ce métier de radio. Surtout qu'on en a eu une par le passé, donc je me permets de la saluer Elsa et on espère en avoir de nouveau une autre. Bien sûr. Et on a peut-être une sur le plateau, sait-on jamais un jour. Ouais, il y en a occasionnellement. Donc voilà, on vous remercie. On va terminer par le son de la semaine. Et c'est une athlète du Krebs de Montpellier qui a rejoint le Krebs l'année dernière, en 2017. Je ne sais pas si vous savez qui c'est, une athlète d'athlétisme qui a fait une remontada en pleine course. C'était aux 400 mètres, 4x400 mètres. Oh, c'était magique. Floria Gay. Ouais, t'aurais pu avoir un point en plus d'ailleurs, justement. Non, vous avez totalement gagné là. Floria Gay qui fait le retour de sa vie. Vous connaissez d'ailleurs le les 400 mètres. Vous avez tous vu cette vidéo des championnats d'Europe de Zurich, alors qu'elle partait loin, je crois qu'elle était quatrième. Elle revient reprendre la première place au terme d'un finish incroyable. Ça, c'est parfait puisque c'est le crêpe, c'est le sport féminin, et puis c'est aussi la performance féminine qui était présente là. Pourtant, c'est du sport féminin, et regardez comment ça nous fait vivre sur ce coup-là. On va se terminer là-dessus et nous on se retrouve la semaine prochaine, émission encore très spéciale puisque c'est la psychologie dans le sport avec d'autres personnes qui viennent du CREPS, des psychologues, des coachs mentaux, etc. On parlera psychologie et mental dans le sport, c'est très important. On se retrouve donc la semaine prochaine, 19h-21h sur Radio Campus Montpellier. Salut à tous. Merci, bonne soirée. Salut. Florian Gay qui va prendre le bâton pour la France sur les Russes aussi. Erzikova qui vient... attaquer la Russe, là, ils ont fini fort, les Russes et les Ukrainiennes. La France est quatrième, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps, Florian, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Eh ouais, c'est les trois favoris hein, devant. Ouais, ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là, on ne revient pas. Hein. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Florian a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie. Avec toujours la possibilité pour Adeoye, alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement, ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, mais... la Britannique est en train de craquer. Allez, je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. La Britannique a temporisé. Elle va se battre, elle va se battre. Elle revient, elle va passer. Mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quel 400 mètres, quel 400 mètres. Elles sont championnes d'Europe. Elles sont championnes d'Europe. C'est énorme. J'ai jamais vu ça. Non.